merci pour cette grosse semaine qu'on a passée avec vous. On passe un super moment hein, tous les soirs avec vous, de 20h à 23h. On sera de retour lundi, il y aura une vidéo avec un petit peu bah, les coulisses qui se passent avant les émissions, les occupations de Karima, du Doc, de moi, et vous allez voir tout ça bah, lundi soir dans l'émission. Okay. On sera de retour à 20h sur Fun Radio. On va retrouver Mickaël No Limit là maintenant. Salut ouais. Mickaël. Et salut. Karima qui sera en mode chien bien entendu, puisque depuis deux jours on essaye de lui trouver un mec. Ah oui, il faut savoir que je participe à Mickaël No Limit maintenant. Oui. Ouais. Bah, il y a un Karimaton, il me cherche un mec. Oui, c'est un échec. Total. Pour l'instant, ça ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, rien, elle est trop difficile. On c'est présente... trop difficile. Mais oui, on lui présente du haut de gamme et rien. Ah, je vois votre haut de gamme de loin. Ah bon, c'est quoi? C'est quoi votre haut de gamme? Ah, c'est genre bien bien. Non, j'en ai eu un gentil tout mignon. Ah, voilà. Mais il me parlait pas. Bah oui, c'est oui, il parlait un peu. Il voulait pas parler. Tu pourrais pas me toucher un peu de. Non, c'était pas lui. Lui, il me fait peur. Ils sont pas. Ils sont pas un peu lourds, Mickaël, non? Bah non, ça va, moi, il a l'air sympathique. J'aime le sperme. Voilà, enfin, bref. Je vais faire un dîner avec lui et Mickaël. Attention, les gars, parce que. Il faudra l'approbation du doc. Hein. Ah, d'accord, ok. Ça va être dur, ça va être dur. Sinon, j'ai Philippe Karima. Les doigts d'achat, ils sont dans ton cul. Voilà, t'es très sympathique aussi. Ils sont très sympas, vos mecs. Mais c'est très poétique, tout ça. Ah, toujours, bah, on est dans la poésie. Ah, oui, et après, certains se demandent pourquoi ils sont célibataires. Étonnant. En même temps, moi, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Polo a fait son coming out et Toff, on sait pas très bien. Bon bref, tout va bien. Toff, le plus beau de Fun Radio. Oui, j'ai vu ça en tweet. En TT. C'est mon hashtag préféré. Ouais, bah tu parles. Merci Karima. Je t'en prie Toff. Je tiens à remercier nos auditrices qui ont fait ça uniquement pour emmerder Polo et moi. Donc, mais ça n'a pas marché car je m'en fous. Ouais. Bon, eh bien je vous souhaite un bon week-end. Bisous. Bon week-end. Et on se retrouve. Bah vous retrouvez. Enfin, on vous retrouve plutôt lundi et puis nous on se retrouvera dimanche. Ça roule. Voilà. Salut. Allez, bon week-end à vous. Bisous, bonne émission. Ciao. Et puis nous on est parti jusqu'à 2h. 23h, 2h. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah ben voilà, l'équipe est en pleine forme pour la dernière de la semaine. On va encore passer une bonne soirée ensemble. En mode guérilla ce soir, on va péter la gueule à Toff. Allez, attention, tous sur Toff. Merde, putain, le mien il marche pas, donc je me suis fait niquer. Putain. Ah voilà. Vous l'avez tué. Ah, on l'a buté les deux. Ah, merde. Il a buté les deux. J'ai plus de balles. Attends, faut la balle de Toff. Aïe. Attends, là, bâtard. Il y a de la charge. Il est où? Ici. Il est où, ce bâtard? Il est où? Merde. Ah, putain, j'ai... Alors, je vous explique, nous sommes en pleine guérilla. On va assassiner Toff. On a reçu des flyers. On a des armes. Enfin, des armes. Les balles. Hein? T'as le sachet, là. Ah, le bâtard. Tuez-le. Aïe. Oh, on a tué, alors là, mec. Alors là. Ouais, bah vas-y, bah faites-moi plaisir. Alors attendez, il y a les photos, on a mis la photo des nouveaux flingues. Vous pouvez aller voir évidemment, moi j'ai un truc improbable, je peux partir à la guerre là tout de suite. Alors attendez, il est où? Il est derrière le truc de DJ. Et où ce bâtard? Là derrière. Attends, donne-moi encore quelques balles. Oh, attendez, j'arrive. Hein. Alors attendez. On s'occupe de Toff et on arrive. Hein. Où est-ce qu'il est? Il y a des priorités dans la vie. Il est là. Excusez-moi, attends, il y a Nicolas. Là. T'es là Nico? Oui. Ça va ou quoi? Ça va, bonsoir toute l'équipe. On est en pleine guerre. Hein. Bon attends, parce que Toff t'entends pas, lui il a préféré partir. Oh, qui c'est qui m'a tiré sur lui? Faut pas assassiner Toff, non, dommage, t'inquiète pas, on va pas l'assassiner. Ça serait qui après, le souffre-douleur de l'équipe? Mais non, toi tu voudrais assassiner qui dans l'équipe? Ah moi, personne, moi j'aime tout le monde. Attends, parce que Mike est parti en guet-apens. C'est bon, on l'a eu. C'est bon, Toff c'est bon. Merde. Toff, c'est bon. Allez, ouais. Sors de là! Sors! Merde, j'ai un peu giraté. Sors, chien! Sors le drapeau blanc! Vas-y, on arrive de place! C'est bon. C'est bon, attends, excuse-moi, tu disais, Nicolas, j'avais enlevé mon casque, j'ai pas entendu. On vient à ta place ou je te tue! Qu'est-ce qui vous a fait, le pauvre Toff? Bah, rien, c'est pour toutes les filles, là, on les a. Il est en vie! Non, ouais, c'est ça, il est en vie, c'est pour venger toutes les filles. Oh putain! Ah, oh, ça fait ah, du bien! Je suis mort, là. Allez! Je suis épuisé, On a fait notre sport pour le mois. Ah complètement, ouais. Bon, il y a les photos de la guérilla là, hein, sur. Mais il a cassé son fusil, attends, bravo. En plus, c'est normal, non, moi j'ai le plus petit. Il est obligé d'avoir le plus pourri, tu vois. Nous, on avait des fusils à pompe et tout. Lui, il a une espèce de pistolet tout pourrave. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, j'ai pris celui qui faisait le plus mal. Ah ouais, bah écoute, on s'est pas bien rendu compte comme ça. Bon, en tout cas, si vous voulez délirer avec nous, là, on est là. Moi, c'est Mickaël, on est là du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Le dimanche, on revient également 20h minuit sur Fun Radio. Donc vous avez le week-end pour prévenir tout le monde qu'on revient dimanche dès 20h. Si vous voulez passer l'antenne, eh ben vous nous appelez, hein, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 et on recharge les balles. Et donc ça c'est pour la Belgique. Et puis bah, vous arriverez ici, donc justement comme Nicolas qui est avec nous. Ça va Nico? Ouais, ça va et vous? Je suis épuisé là, c'est-à-dire qu'on a dû... On a fumé. Ah, bah, c'est le début de l'émission, si t'es payé, ça va pas faire. Hein. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Il y a la photo, vous pouvez aller voir, la photo avec les flingues là qu'on a reçues, là, les flingues avec des balles en, je sais pas, au caoutchouc. Ouais. C'est les nerfs. Les nerfs. Voilà, c'est ça. Bah allez voir sur le Facebook et le Twitter maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. On était en mode commando, donc j'attends les autres. Là, c'est vrai qui osent venir dans le studio. Il y a des auditeurs qui sont arrivés en bas, là, on va aller les chercher, ils vont prendre cher. Ah, je peux te dire que si y en a un qui bouge le petit doigt, boum. Ah, direct. Il y a Marie qui demandait si Toff est mort. Oui, il est décédé. Ouais, pas loin. Il y a Paul également qui dit sors le chien, je vais jamais dormir, je rigole trop. Il y a le français qui dit ça commence déjà l'émission, leur ambiance guérilla. Et Didier qui dit ouais mon colonel, ce soir c'est la guerre. Exactement, oui, exactement. Bon Nicolas, on parle de quoi avec toi ce soir? Bah, on parle de un problème de sexe, quoi. Enfin, ah, d'accord, ok, très problème bien. Problème de pilosité. Ah, de pilosité. Bon, bah, très bien. Écoute, en tant que portugais, je pourrais peut-être te donner quelques infos à ce niveau-là. On verra. Donc, ne bouge pas. Tiens, Sandro, petite question. Tiens, est-ce que t'as déjà noté les mecs avec tes copines? Noté? Ouais, genre une cote sur 10. Non, bah, on se les fait pas tourner en même temps. Non, mais pas physiquement parlant, je peux dire. En disant, ah, bah, tiens, lui, physiquement, c'est plutôt 8 sur 10. Ouais, c'est toujours les miens qui ont les plus mauvaises notes. Hein. Et bizarrement. Ouais. C'est étrange. Non, mais quand c'est même, vrai en plus. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Et combien tu donnerais à Toff, là, sur 10? Sur 10? Ouais, physiquement. Mais je le connais. Ben on s'en fout. Non, on parle juste du physique. Ah, juste physique, hein, je parle pas du mec. On sait très bien que si on devait donner une cote sur lui-même, ça vaudrait pas très bon. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. Là, tout de suite, baisse les armes. Bon, et en vrai? Et sans armes, je lui donne 3-4. 3-4? Ouais. Ah quoi, même pas 5, même pas la moyenne. Non, mais parce que je le connais, donc j'ai un avis. Et Polo? Physiquement. Pareil. Oh. D'accord, ok. Non, et moi? Bah 10 évidemment. Ah bah, bien sûr, ouais, évidemment. Sandro, elle a une belle voix, mais elle est dure, hein. Non, elle est non, moi je trouve. Elle a une belle voix, mais qu'est-ce qu'elle est chum. Ouais. Mais non, mais c'est normal. 10 sur 10 pour moi, je trouve que c'est. Je trouve que c'est une bonne note. Non, je trouve que c'est une très bonne note même. Faut noter des mecs que tu vois juste mais quand tu connais, bah t'as du mal à avoir un bon jugement. Oui, c'est vrai. Bon, on fera des appels avec Toff également. On va parler des notes dans quelques minutes. Là, restez avec nous. Et puis on a toujours Polo qui lui va devoir faire encore un peu plus de pipo, hein, s'il veut faire monter sa note. Ouais. Mais ça va aller. Bon, venez nous dire aussi. Ah, j'embrasse si vous... Stéphane. Si bien évidemment son nouveau son boyfriend. Nouveau mec, c'est une fille. Oui, bien sûr. Donc, elle a des cheveux longs. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de mal. Donc, venez nous dire, hein, si vous avez déjà noté vos mecs ou les mecs de vos copines, par exemple, vous nous appelez maintenant, les filles, les garçons. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. On n'oublie pas les tweets aux addicts également ce soir pour gagner le sextoy offert par passagedudésir.fr. Très bien. Eh bien, il faut tout simplement être deuxième du top tweetos ce soir. Ah et oui. Maintenant, on a changé, hein, tous les soirs pour donner la chance à tout le monde. Il ne faut pas forcément être le numéro 1, il faut faire partie des 5. Et donc, ce soir, il faut être le deuxième. Donc, si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mikael pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Voilà, on écoutera aussi le son de Eminem et Rihanna avec Monster au cœur d'une heure sans pub. On aura Fédé Legrand, Long Way From Home. Et puis avant minuit, je vous cale aussi Clan Carousel. On est bien, on va se mettre chill avant minuit. Ah ouais, on va être bien, ouais. Très bien. Et puis j'ai aussi la dernière PlayStation 4 à vous offrir ce soir sur Fun Radio. Ça c'est avec la colle de Fares qui est avec nous. T'es là Fares? Salut Fun Radio. Tranquille ou quoi Fares? Ça va et vous? Bah écoute, plutôt pas mal Fares. Tu sais que dans moins d'une heure et demie, tu seras peut-être propriétaire d'une PlayStation 4. Non mais arrête, j'ai l'impression que c'est la journée, j'ai stressé et tout. T'as j'en vu peux plus là. Eh bah, ah ouais, écoute, grave. Alors la règle est simple, hein, tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne et qu'il donne la bonne réponse à l'antenne, tu perds et il gagne. Si personne ne décroche ou que la personne qu'on a ne donne pas la bonne réponse, eh bien tu gagnes. Bah il y a intérêt. Hein. Ah écoute, on verra bien. Ouais, quoi qu'il en soit, pose la colle maintenant, vas-y, on t'écoute. Alors qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien? Qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien, c'est ça? C'est ça? D'accord. Bon, ben, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. C'est la dernière, hein. Donc attention, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et je viens de vous mettre également la colle sur le Facebook de l'émission, donc vous pouvez aller voir aussi. Vous tapez facebook.com/M-I-K-L officiel si vous voulez lire la colle, si vous êtes peut-être plus facile, et y répondre également. Bon, alors allons-y. Donc, qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel mais ne pèse rien? On donne la réponse avant minuit 30, Fares. Ok, il n'y a pas de du soucis. Coup, évidemment, on te reprendra plusieurs fois tout au long de l'émission. D'accord? Il n'y a pas de soucis, je suis là, il n'y a pas de soucis. Très bien, j'espère bien. Ne bouge pas de là, Fares. On va te reprendre dans quelques minutes. Donc, je rappelle encore un petit coup, qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel, mais ne pèse rien? Vous allez envoyer maintenant la bonne réponse par SMS. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Et donc, vous pouvez aussi aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKLOfficiel. Il y a Store Andranda qui dit aussi: Mickaël, t'as une voix sexy, j'adore. Merci, Store. Je sais pas si t'es un garçon ou une fille, mais j'imagine une fille. Stéphanini aussi qui dit: j'ai encore le tableau avec tous les critères sur lesquels je notais les mecs. Alors, c'est bon ça. Arrêtez de maltraiter mon pauvre taf chéri, mais t'inquiète pas, il le mérite, il est sérieux. Il y a Titi 18 qui dit: mort de rire, moi aussi je suis portugais, je pouvais l'aider. Ah bah très bien, bah voilà. Et Léa qui dit: visez Polo. Et Echo, je dois faire mes devoirs, mais je vais faire comme tout le monde, vous écouter en faisant mes devoirs. Voilà, oui, voilà, ça c'est une bonne idée. Bonne idée. C'est même une très très bonne idée. Et Jérémy qui dit: on vous kiffe toute l'équipe, bis de Montpellier. Ah merci Jérémy. Et alors attention, donc pas ce week-end-ci, mais le week-end prochain, vendredi, samedi et dimanche, on sera avec vous à Montpellier. On va faire la teuf avec vous. On va aller au l'esplanade Joffre, c'est au lycée, au Bahut là. Oui, c'est l'esplanade du lycée Joffre. L'esplanade du lycée Joffre, on vient venir, on vous cherche à l'école. Voilà, voilà, et on vous ramène. On va venir, on ramènera des filles éventuellement, mais non, mais on va vous ramener, puis surtout on va vous rapporter des cadeaux à la sortie du lycée. Donc si jamais vous voulez venir nous rejoindre, pour ceux qui n'êtes pas au Bahut, bah, vous pourrez venir. Et puis bah, pour ceux qui sont là, on a prévenu personne encore au Bahut, donc ça se trouve le directeur il va tirer la gueule, mais c'est pas grave. Donc on sera là à la sortie, et puis bah, le samedi on ira faire un match de foot également, Soccer 5. Donc on vous attend évidemment, on aura des places pour I Love Techno, bref, la folie totale. Et puis on va faire l'émission également dimanche soir en direct, donc place de la Comédie, dans les studios de Fun Radio Montpellier. Voilà, comme ça vous savez tout. On sera également avec vous le 24 décembre pour fêter Noël, pour passer la soirée avec vous. On vous abandonne pas, nous, pendant que sur les autres radios il y aura du best-of, voire rien. Et ben nous on sera là en direct pour passer Noël avec vous, en toute simplicité. Voilà, j'ai fait toutes mes petites annonces là. Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Oui. Attends, il y a un truc qui vient d'arriver, c'est l'info du jour. Ah, l'info du jour, attends, je peux mettre l'info du jour. Attends, ça arrive tout de suite. Label, là. Alors, l'info du jour, c'est... rien. Ah, bah bon, attends. Bah, il est pas arrivé. Bah, très bien. Excusez-moi d'avoir coupé comme ça, t'as fait de la merde avec l'info du jour. Ah voilà, très bien. Je crois que j'ai trouvé le compte Badou à Tof. Je cherche les amis Tof sur Google et je tombe là-dessus. Tof, explique-nous. Tof, Fun Radio, homme, 33 ans, je suis ouvert à toute proposition. Alors? Bah alors rien, c'est pas mon numéro, donc c'est pas mon profil. Ouais, c'est pas ton numéro, ça reste à prouver encore. Hein. Ça peut être un numéro. Ça peut être un numéro en fume, tu peux pas savoir. Bon, on va mener l'enquête. Ouais. Et je donc, n'ai pas de compte sur Badou. Ouais. Et donc Nicolas, moi je me souviens d'un mec, il y a 3 ans qui avait dit: jamais je n'aurai de Facebook, ça ne sert à rien, jamais. Ouais. Bah j'en ai toujours pas. Arrête ton cinéma, t'es sérieux là? Bon bah appelons ce numéro. Ouais bah on va l'appeler, tiens. Bah attends, on va l'appeler. Bon alors Nico. Oui. Bon, toi tu nous appelais par rapport au problème de pilosité. Exactement. Bon, qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Bah ça fait 2 mois que je suis avec ma copine. Et en fait bah elle a des poils un peu partout. Ah c'est ta copine qui a des poils? La merde, je croyais que c'était toi. Oh. Non c'est pas moi, c'est ma copine. Ah oui, c'est ballon, ça. Donc ouais, et elle en a même sur les jambes, et elle en a même plus que moi sur les jambes. Elle a plus de poils que toi sur les jambes? Ouais, exactement. Ah ouais, mais quoi, elle a un problème de... Oui, elle a un problème de pilosité, c'est les bras, sous les bras, au niveau... voilà, quoi. Ouais, d'accord. Bon, mais c'est original, et donc du coup, ça te répugne un peu quand même, hein? Ben ouais, parce que moi ça fait 1 an que j'étais célibataire, je m'étais un peu posé, j'ai pas eu d'histoire sérieuse, et j'étais resté 2 ans à l'époque avec une copine, et là ça fait 1 an que j'étais célibataire, et c'est vrai que bon ben voilà, j'ai pas fait l'amour pendant ce temps-là. Ouais, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'elle s'épile pas, parce qu'il y a un moment, enfin tu vois, bah oui, toutes les meufs ont des poils sous les bras, toutes les meufs ont des poils sur les jambes, bah oui, mais les enlèvent quoi. Même sur la au niveau de la moustache quoi, mais ça se voit pas trop, ah, ça se voit de près. Oui mais ça c'est parce qu'elle est brune, c'est normal. Ouais mais enfin bon. Ouais, exactement. Ouais après. Il y a des meufs comme ça, effectivement, des brunes qui ont des poils assez. Ouais. Bah, qui ont autant de poils que moi sur les bras, quoi, tu vois. Donc c'est. Et encore, ça va. pas trop poilu, pas, mais un petit peu. Pas trop sous les bras, mais bon, au niveau du maillot, quoi, voilà, quoi. Ouais, au niveau du maillot. Mais oui, mais ça s'entretient, ça. Bon, écoute, on en parle. Reste avec nous, okay. Nico. Si vous êtes ça déjà marche. Tombé sur une meuf comme ça, effectivement, qui avait des problèmes au niveau de la pilosité, bah, appelez-nous, là, pour voir un peu ce qu'il y a comme conseil à donner. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis, venez nous dire également si vous avez déjà noté vos copains ou vos copines et combien vous leur avez donné comme note sur 10 et sur quels critères. Voilà, donc appelez-nous également. Et puis, au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, on va se refaire la colle dans quelques minutes. Juste le temps d'écouter le son d'Eminem sur Fun Radio. Eminem et Rihanna, c'est The Monster. I'm friends with the monster, the son of my bed. C'est Fun Radio, au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue si vous voulez débarquer. 23h19, on est en live sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Avec la photo du mode guérilla qu'on a fait en début d'émission là, que vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Il y a Alexou qui dit aussi ce soir encore une grosse émission qui a bien commencé avec une guerre dans les studios. Oui, c'est un peu ça. Et le prince Nadia qui dit Mickaël en toute simplicité, je sais que mon Noël 2013 serait parfaitement réussi car je le passerai en compagnie de Mickaël No Limit. Bah oui, on sera là 24 décembre pour passer Noël avec vous. Toute la soirée à partir de 20h. On sera en direct. Il y a Jérémy qui dit bonsoir Mickaël, est-ce que je peux avoir un petit coup de pelle? Bah écoute, si tu veux hein. Moi si je peux rendre service, c'est toujours avec plaisir. Et Dédé également qui dit la réponse à la colle, c'est la connerie de Toff. Elle est immense et elle ne pèse rien. Ah ouais, c'est pas con ça, effectivement. Ça aurait pu, mais non. C'est vrai que ça aurait pu hein. Ah Fares, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu, c'est vrai. Ça aurait pu, ouais. Bon, allez, on se fait la colle maintenant là. Répète peut-être la colle pour ceux qui viennent d'arriver. Les retardataires. Alors je répète, qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel mais ne pèse rien? Alors, qu'est-ce qui fait... Alors, répète encore un coup. Alors, qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel, mais ne pèse rien? Qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel, mais ne pèse rien? Bon, si vous avez la bonne réponse, c'est pas compliqué, il suffit simplement d'envoyer... M-I-K-L, je vais m'étouffer. M-I-K-L, espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. D'accord. Ouais, et vous pouvez aussi aller sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Tout simplement, si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Tirage au sort avant minuit 30 sur Fun Radio pour vous offrir la toute dernière PlayStation 4. Voilà, bonne chance moi, tout le monde. Ah, écoute, on verra hein, si quelqu'un a la bonne réponse oui. Et qu'il les tire au sort, eh ben, c'est lui qui gagnera. Si jamais la réponse n'est pas bonne ou qu'il ne décroche pas, hein, ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs. La PlayStation 4 sera pour toi, Fares. J'en rêve. Ah, j'imagine. Bon, allez, bonne chance tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait la même taille que la tour Eiffel mais ne pèse rien? Et ce n'est donc pas la connerie de Toff. Non. Voilà, comme ça avait été proposé. Mais oui, mais ça avait été proposé, mais ce n'est pas ça, effectivement. Bon, on te récupère d'ici un bon quart d'heure, Fares. Y a pas de soucis, je suis avec vous. Ah ouais, bah très bien, bah j'espère bien. Tout de suite, Fares, à tout de suite. Il y a des messages qui sont arrivés aussi à Lorus qui dit une fille avec des poils, ça me donne envie de vomir, c'est juste horrible. Oh. Oui, je peux comprendre. Le prince Nadia qui dit garder les poils sur les jambes pour une fille, c'est étrange, mais par contre, les poils sous les bras, c'est ignoble, épilé. Non, mais même sur les jambes, hein, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue et des félicitations pour ma ceinture verte en jujitsu que j'ai eu ce soir? C'est Thibaut. Bah écoute, si tu fais du jujitsu, je vais te le mettre un message de bienvenue. Ouais, mais c'est de ceinture verte. Sois le bienvenu. Voilà. On va pas faire trop les malins, on va être tranquille quoi. Il y a Alicia également qui dit vous êtes grave avec un début d'émission comme ça, ça commence bien. Oui, ça devrait bien se passer en plus ce soir et canular. Enfin soirée. On fera le canular du jeudi comme chaque jeudi. Donc si vous voulez en faire un tout à l'heure avec nous, eh bien appelez-nous dès maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Cette semaine, j'ai des montres, la montre Sony Smart Watch 2 belle, qu'on vous offre avec Mobile Phone. C'est une montre hyper connectée que vous pouvez mettre à votre poignet évidemment. Qui donne l'heure, ça c'est génial, mais c'est surtout qu'elle donne trop aussi bien. Classe. Mais elle est connectée en Bluetooth avec votre téléphone et donc du coup vous allez pouvoir recevoir les notifications Twitter, les notifications Facebook, les SMS, les messages, enfin bref tout. Donc voilà, c'est la grande classe, ça vaut quand même 200 boules. Bon Nicolas. Oui. Bon Nicolas, est-ce que tu savais qu'aux États-Unis il y avait une application qui s'appelait Lulu? Non. Non, ben je t'en parle, c'est ce que j'ai dit au début de l'émission en fait. C'est une application que beaucoup de filles utilisent pour noter les hommes qu'elles croisent en fait dans la rue. Alors pour le moment ça reste personnel, mais elles voudraient pouvoir partager les notes. Mm-hmm. Et donc je voulais savoir, est-ce que tu le ferais toi, si jamais ça se faisait pour les mecs, Nico, là? Est-ce que tu noterais les meufs que tu vois dans la rue? C'est-à-dire que je télécharge l'application sur mon téléphone et... Ouais. et tu notes, et tu notes les meufs que tu croises en disant ah bah tiens j'ai croisé celle-là, tu fais une petite photo et tu lui donnes une note sur 10. Ça peut être sympa, mais est-ce qu'elles sont répertoriées, on les prend comment? C'est... Ah bah là c'est-à-dire que là t'as l'impression qu'il veut vendre l'application. Oui, là, là pour l'instant c'est y a pas de ref, tu vois, c'est pas répertorié, tu fais une photo mais il y a pas de nom, il y a rien, tu peux pas les échanger, tu peux rien faire. Mais en Après, ouais, si t'es avec des potes, ouais, c'est marrant. C'est... Entre potes quoi, tu vois, c'est ça, une petite communauté privée et puis bah tu notes tes copines quoi. Ouais. Bon, tu donnerais combien à ton ex-copine? Sur 10. Bah, celle d'avant, hein, la, la précédente. Oui, celle d'avant, hein, pas Miss Poil, hein, pas Chewbacca. Hein. Oh, ça va, oh, la peau. Sur 10. 9. Pas mal. Et justement, parce que avec la nouvelle, là, justement, il y a un autre problème, elle pratique pas la fellation. Et justement, mon ex, elle faisait tout. Mon ex, c'était. Oui, non, mais d'accord, mais ça, après, c'est son choix, elle fait comme elle veut, tu vois, c'est pas obligatoire. Oui, oui bien sûr. Non mais voilà, tu vois, mais c'est bon, après. Moi quand j'ai eu, la totale, là je passe tout ou rien quoi. Mais pourquoi tu l'as viré la première si t'étais bien avec? Bah bon, ça s'est mal terminé, on va dire, bon voilà. Bah oui, mais tu vois, t'avais quelqu'un de bien, t'avais quelqu'un qui faisait tout, mais au final ça se passait mal. Donc tu vois, l'un dans l'autre. Hein, bah oui. Bon attends, il y a Walid également avec nous, là, Walid de Lyon. Salut Lyon, j'allais dire. Salut Walid. Salut. Comment ça va? Salut. Salut Walid. Salut. En forme? Salut. Salut. Ouais, bon. Bah oui, tranquille, Walid. Hein. T'as passé une bonne journée? Ouais, tranquille. Bon, nickel. Walid, tu voulais donner ton avis, toi, par rapport au poil aussi? Si t'es un peu gêné de lui dire « Ah, t'as trop de poils, bah reste-toi, bah comme ça se fait pas. » Bah, par exemple, genre, t'arrives vers elle, tu fais « Ah, genre, ça m'a piqué » ou « Bah, genre, tu prends la tondeuse, tu fais « Aujourd'hui, c'est soirée toilettage, allez, ouais, hop. » Voilà. Ou alors, c'est genre « Tu piques. » Oh là, ouais. Ah mais tu piques. Mais bon la fille. Mais en même temps la fille pique pas parce que si elle se rase pas c'est un duvet donc ça pique pas. Ah ouais bah oui. Ouais, c'est pas grave. Sinon t'arrives à elle et tu fais ah t'as bientôt plus de poils que moi. Ah, elle va bien le prendre elle va bien le prendre. Ouais non mais voilà. Non après ce que tu peux faire. C'est vrai que t'arrives de blesser mais après si ça. Non après ce que tu peux faire, tu sais parfois t'as des couples, ils passent une journée ou un week-end en remise en forme, sauna, tout le bordel. Et ben voilà, centre de beauté. Et ben là tu fais le centre de beauté et en même temps vous faites une épilation jointe. C'est-à-dire que tu fais Non mais tu vois, tu te fais le torse par exemple, tu fais n'importe quoi. Ouais. Et puis après. Plus, mais le pire c'est que je m'épile les aisselles moi. Ah bon. J'ai l'esthéticienne pour faire les aisselles. Ah, carrément. T'es pas Comment hein? T'es pas un peu comme Polo? Non, je suis pas moi. De quoi? Non, mais moi je suis. De quoi si je suis un peu quoi? De la tangente. Ouais, non, et en gros, tu peux être efféminé quoi, tu vois. Hein? Ah non, du tout, non. Je suis complètement hétéro moi. Ah bah, un vrai mec, ça s'épile pas les aisselles, ma gueule. Hein. Bah, si, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand t'as des cheveux à la place des aisselles, tu faut les enlever. Hein. Non, moi j'ai. Bah, justement, parce que moi je suis ancien coiffeur j'ai arrêté parce que ça me saoulait, il y avait trop de gays et ça, j'en avais marre. Ouais, c'est d'accord. Non, mais après, peu importe. On reste avec nous. J'ai côtoyé des coiffeuses et des esthéticiennes et elles m'ont proposé. Et je fais voilà les bras et je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça fait trop. Je trouve quand même que ça fait trop. Là, je l'ai fait qu'une fois. Hein, je l'ai fait dernièrement. C'est pour ça que j'en parlais. D'accord. Bon, alors reste avec nous deux minutes. On va te reprendre dans quelques instants. On va prendre des filles aussi. J'aimerais bien que vous appeliez les filles pour voir un peu comment ça se passe au niveau des épilations. Chez vous, 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0. Nico, tu bouges pas. Walid, encore un truc à ajouter? Non, je voulais juste vous dire, bonne soirée. Oh, merci Walid, c'est gentil. Bon, tu reviens quand tu veux Walid, salut, à bientôt. Et on va prendre Alex aussi dans quelques minutes. On a le numéro du compte de Badou de Toff, donc on va essayer de l'appeler. Dans quelques minutes pour voir ce qui va décrocher, Que c'est le type avec le plus de... C'est l'espèce de tiroir avec plein de petites, tu vois, de petites boîtes. Ouais, c'est ça. Hop, on ouvre une boîte des et casseroles, on appelle ça des casseroles. Bon, il y a Perrine qui dit il faut lui payer l'épilation, tu lui offres une journée chez l'esthéticienne. Et Jérémy qui dit aussi moi je suis poilu comme un ours, mais sur une fille j'aime pas du tout, tu m'étonnes. Et Clem qui dit où est-ce qu'il est, Polo te prête mes cheveux si t'es en top. Ah, je te prête mes cheveux si t'es en top tweet. polo sous nous les cheveux si tu veux. Ah, c'est bien ça. Et alors Megumi qui dit le cadeau pour notre polo ce soir, le hashtag est polo sous nous les cheveux si tu veux. S'il te plaît, allez la team, c'est parti. Et Ariel qui dit si on envoie des cheveux à polo, est-ce qu'on peut être favorisé pour la PS4? Non. Non, il y a pas de triche, c'est comme ça. Bon, allez, 23h28, restez avec nous. On va parler on va faire les appels de Tof dans quelques minutes. Mais allons-y. Eh ben très bien, on fait ça juste après. Eh ben on va appeler je vais expliquer dans un instant, mais j'ai trouvé un truc sympa. Ah bon, d'accord. Ouais, on fait ça après. Fédé le Grand sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit, on est en direct et au cœur du Nord sans pub jusqu'à 2h du mat. Fédé le Grand sur Fun Radio, Long Way From Home. Eh ben bienvenue si vous venez d'arriver, il est 23h30, on est au cœur d'une heure sans pub. Il y a Louis qui a envoyé un message là, il faut qu'il fasse un pari avec elle et qu'il est sûr de gagner, hein. Il lui parie une épilation. Ouais, mais le problème de ce genre de pari, c'est qu'elle va mal le prendre de toute façon, quoi. Bah non, c'est ça. On parie que. Non, mais l'épilation, sois franc, il y a un moment, dis les choses. Ah oui, c'est ça. Non, mais voilà, soyez franc, essayez pas de faire des enfumes avec des paris, des trucs, des machins. Il y a City18 qui dit bombe de taré, sérieux, et Adeline qui dit yes, t'en voilà enfin, j'écoute, je t'écoute, t'es le meilleur Mika. Merci Adeline, gros bisous à toi. Et il y a Echo également sur le Twitter qui dit oui, les tarés, enfin, vous êtes là, Mickaël, tu veux pas mettre un petit coup de bazooka à Tof parce que mine de rien, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai, effectivement, que c'est quand même plutôt gratuit. Attends, il est où mon bazooka? Ça fait longtemps que je l'ai plus sorti. Dans sa gueule. Attends, il est où mon bazooka là? Bah, il est là, tiens. Allez, dans ta gueule. Hop. Ah, voilà. Ah, il est encore vivant. Hein. Ah, bah, il l'a eu, c'est bon. Ouais, ouais, bah, il l'a eu, t'inquiète pas. Bah, avec tout ce qu'il a eu comme coup déjà. Megumi qui dit bonsoir, mes cochons que j'adore. Salut, Megumi. Didier qui dit le jour où je viendrai vous voir, ce sera en mode rock and roll. Eh bah, très bien, Didier, t'es le bienvenu. On t'attend sans problème. Bon. Juste avant de vous mettre Fédé Legrand, je vous avais parlé des appels de Tof. Ah. On va les faire ce soir, hein, comme chaque soir d'ailleurs. Vous savez que tous les soirs, nous vérifions des enquêtes, des sondages, et qu'on appelle un petit peu partout, en France et en Belgique, pour voir un peu si ces sondages, justement, si ces enquêtes sont vraies ou fausses. Donc on appelle chez vous pour vérifier, enfin on appelle chez vous. On appelle des gens que vous connaissez, puisque vous nous avez donné le numéro de téléphone par mail, hein, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, est-ce que vous vous masturbez souvent? Bah tous les jours moi. Ah tous les jours. Ah c'est intelligent. Non, je vous demande ça parce qu'il y a une nouvelle étude qui vient de. Il y a une nouvelle étude là, qui vient de révéler les chiffres de la masturbation. Oui, désolé pour ceux qui attendaient les chiffres du chômage, hein, mais ce sera pour sur une autre chaîne. Donc 87% des hommes et 67% des femmes admettent se toucher au moins une fois par semaine. Ah bon. Donc je propose que toi vérifie immédiatement. Bah allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va. On appelle le premier ou la première maintenant, je sais pas chez qui on va tomber. Mais quoi qu'il en soit, on vérifie. D'ailleurs, combien de fois toi Nicolas par semaine? Alors, fallait pas me poser la question. Bah pourquoi? Bah c'est, voilà, chaque jour. Enfin, chaque jour. Ouais. Très bien. Bah, normal, ça fait quand même. Ça fait un an que je l'ai pas fait, donc. Ah bah oui, oui, forcément, oui. Et alors oui, là, il faut entretenir le matériel. Il y a Ludo et Alex également qui sont là. Salut les gars. Salut. Salut Ludo. Ça va? Salut la famille. Ça va Ludo? Oui, ça va. Bon, combien de fois par semaine toi? Moi, 3 fois à peu près. 3 fois, d'accord. Et toi, Alex? Ouais. Moi? Ouais. 2-3 fois par jour. Ah oui, ah bah par jour, alors très bien, on est tombé sur un champion là, très bien. Ah ben oui. Ah bah oui, oui, oui, oui, oui. Bah, il faut bien entretenir le matériel, vous avez raison. Bon, Ludo et Alex, oui, oui, bon, bah, ne bougez pas de là, on va faire l'appel avec Tof, on va appeler chez quelqu'un maintenant pour vérifier. Allez, c'est parti, Tof, ready? Bien sûr. Allez. C'est reparti, on fera un tour du côté de la colle avec la PS4 aussi. Oui, bonjour madame. Allez, attends une seconde. Oui? Oui, bonsoir madame. Monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir quand remonte la dernière fois où vous êtes masturbé. À te faire voir. Ah bah très bien. Eh bah, va te faire voir. Voilà. Allez hop, on le rappelle. Elle avait l'air gentille, charmante, c'est reparti. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais ça a coupé. C'est de la part de qui? De la part de Tof, monsieur. De la part de Tof? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, Eh ben en fait, je voulais savoir quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois. Et ta sœur, c'est le connard. Je vois pas le rapport, monsieur. Va te faire enculer, connon. Mais qu'est-ce qu'il a avec ta sœur? Bah, je sais pas. Bon, on va le rappeler alors, on va lui demander. Ma sœur, elle a rien. Est-ce que t'as compris ce qu'il a avec sa sœur, Nicolas? J'adore. Non, j'ai pas compris. Non. Je comprends pas non plus, hein, c'est bizarre. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà. Bon, on va le rappeler, hein. Enfin, je sais pas si on va tomber sur madame ou monsieur, mais bon, on rappelle en tout cas, c'est parti. Allez. Allez. Oui. Oui, je m'excuse, monsieur, mais pourquoi autant de vulgarité? Bon, alors, tais-toi, là, je vais appeler la gendarmerie. pied, j'ai mon ordinateur qui t'a enregistré. Oui, mais pourquoi vous l'appelez la gendarmerie, monsieur? Alors, qu'est-ce que tu veux, en fait? Bah, je veux juste savoir quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois, monsieur. Pas ça, mon con. T'as compris? Bah, oui, mais je vois pas ce qu'elle vient faire là-dedans, monsieur. Va te faire enculer, va. Et attention, monsieur est connecté parce que son ordinateur attention. A enregistré l'appel. Attention, directement connecté à la gendarmerie. Ouais, directement connecté, bon, rappel. Ah, une dernière, c'est moi qui régale. Allez. Oui, monsieur, ça se fait pas d'être aussi désagréable au téléphone. Oh, plein jamais, t'as compris. J'ai un drame au portage, je te fais envoyer deux diplômes entre les deux yeux, vous le con. Mais enfin, monsieur, c'est vraiment pas gentil tout ça. À Pierre Tranché, vous le con. Qu'est-ce qu'il dit? Va te faire truncher. Non bon mais pas. Avant. Ah, qui voulait mettre du plomb entre les deux yeux. Il veut lui mettre du plomb. On était en Corse. Il me semble. Oui, je pense. Ah oui, bah voilà. 04 en tout cas. Donc c'est pas la Corse, c'est par là. Ceci explique cela. C'était peut-être Marseille, c'est vrai. Oui, peut-être. Oui, ouais. Bah, peut-être, c'est possible. Ouais. Bon, on fera d'autres. C'est Marseille. Ah, c'est Marseille. Bah voilà, on est à Marseille. Bon, bah donc du coup, si vous avez d'autres numéros de téléphone, hein, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça sur le mail de Tof. Des gens corps de bois à cette heure-ci qui sont plutôt du style. Un peu nerveux quoi, hein. Mm-hmm. Vous envoyez les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, on appelle vite le compte Badou de Tof alors. Hein, puisqu'il y a une actrice qui apparemment a fouillé sur Badou et est tombée sur le compte de Tof. Scandale. Donc, avant de parler des poils avec Nicolas, on appelle maintenant celui ou celle qui a utilisé le compte Badou de Tof. En plus il tire la langue. En plus. C'est son compte Badou. N'est pas attribué. Veuillez consulter le service des. Ah bah voilà, il a même pas eu les couilles, Tof, de mettre son vrai numéro. Ouais. C'est un truc de ouf quand même. Mais par contre, c'est pas le premier compte comme ça. Ouais, c'est ça, c'est genre les mecs qui prennent l'identité de Tof. Ouais. Ils croient qu'ils vont serrer plus facilement, ouais. Il y a 3 semaines, il y avait un faux compte, ou 4 semaines, il y avait un faux compte Twitter. Non, si, quelle star quand même. Ouais, t'as vu. T'as vu un peu ça. C'est ça parce que les gens ils croient que je sers grave de la meuf, mais c'est pas vrai les gars, ça sert à rien. Attends, est-ce que tu te mens pas toi-même? Tu les as créés, t'as oublié et tu te dis que c'est quelqu'un qui. Ça, c'est possible. Non, si vous cherchez bien, j'ai un compte sur Mythique. Waouh. Wow. Là vous pouvez le trouver, mais ça doit faire 10 ans que j'ai pas mis les pieds dessus. Et récemment, il y a 2 ans peut-être, j'ai fait adopte un mec. Oh là là là là. Mais c'est pareil, j'y vais jamais quoi. Ah bah oui, bien sûr. T'avais jamais de réponse, c'est pour ça. C'est ou... ça, c'est ça, ouais. Bon, non, c'est pas ça, c'est que c'est payant tous ces trucs là. Ouais. Adopte un mec, on est pris pour un objet. Bah, en plus, oui. Bon, Nicolas, on va reparler d'épilation avec toi puisque c'est toi qui voulais en parler. Il y a un dernier élément. Ouais, Nico, c'est quoi le dernier élément? En fait, déjà elle a 50 plus que moi et elle prend en fait des médicaments depuis qu'elle est adolescente. Ouais. Donc c'est des médicaments, c'est des voilà pour la dépression, enfin c'est des anxiolytiques, tout ça quoi. Donc peut-être que ça joue sur sa pilosité, non je crois pas. Ça m'étonnerait que ça joue sur sa pilosité, mais après faut voir. Mais tu sais, à un moment si t'es avec elle, parle-lui, Nico, en fait. Hein, oui, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Je commence à m'attacher. Ah, et si tu l'aimes, tu la prends avec poil, voilà. Mais non, si tu l'aimes, sois franc. Attends, il y a Ludo qui est avec nous de Mont-de-Marsan là. Salut Ludo. Oui, je suis là, oui. Ça va? Oui, bonsoir. Bon, il y a Alex qui dit je crois que Tof se masturbe en ce moment sous la table. Bon, je préfère pas savoir. Et Dédé qui dit tu attaches la nana au lit, tu lui bandes les yeux et tu lui épiles la cire pour lui faire comprendre. Oui. Ouais, j'aime bien cette idée, moi. Peut-être pas le meilleur moyen, mais why not. Bon, et toi, c'est quoi ton idée, Ludo? Alors, mais moi, y a beaucoup de filles qui aiment beaucoup les poils, du moins. Et moi, j'aime pas ça, déjà, pour commencer. Donc, elles me demandent à chaque fois de pas me raser, rien du tout. Et moi, je fais l'inverse. Mais après, ça dépend, tu vois. T'as aimé les poils parce que ça fait un espèce de duvet, à la limite, ça fait Non, j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal, ouais. D'accord. Et puis après, il y en a qui ont des cheveux sur tout le corps, quoi. Ouais, moi, c'est tout le devant, quoi. Tout le devant, c'est le bordel. Donc, ouais, toi, t'es vraiment un ours, quoi. Ouais, presque, ouais. D'accord, ok. Et toi, tu rases tout, putain, ça doit te prendre un temps fou. Non, ça va vite, hein, non. Ah, quand même, hein. Pour soi nickel, Non, mais maintenant, il y a les produits qu'on prend, tous les trucs, les pommades qu'ils ont, les crèmes, là, et puis voilà. Ah ouais, d'accord, donc t'entends les fous. Et qu'est-ce que tu lui conseillerais de dire à sa copine, alors? À sa copine? Je sais pas trop. Non, mais si... comment est-ce que t'aimerais qu'on te le dise si ta copine te dit un truc? Est-ce qu'elles sont franches avec toi ou elles essayent de passer par quatre chemins, quoi? Bah, du moins, moi, je suis pas tombé sur une fille qui aime pas les poils. Donc, déjà, pour commencer, Oui, bah en même temps, vu ce que t'as, il vaut mieux, hein, cela dit au passage. Hein, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est clair. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une fille qui nous appelle pour nous expliquer est-ce qu'elle préfère que le mec soit franc en disant, bah ouais, est-ce que elle préfère que les mecs soient francs. En plus, on me l'a dit, il y a pas si longtemps que ça. C'était hier, on me dit pourquoi tu te laisses pas raser la barbe et tout alors que j'aime pas. Et voilà, déjà rien que ça, et je suis resté un peu. Bah oui, non, mais j'imagine. Bon, les filles, alors attendez, on va faire le canular aussi dans quelques minutes. Les filles, dites-nous maintenant, est-ce que vous préférez que les mecs soient francs avec vous en disant, voilà, il y a des poils, j'aime pas, il faudrait que tu rases. Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on, sans vexer, essayer de passer à droite, à gauche, bref, essayer un truc, quoi. Bon, Nicolas, reste avec nous. Ludo, encore un truc à ajouter? Bah non, je peux faire une dédicace vite fait? Allez, bah alors vite fait, alors on t'écoute, une seule personne. C'est mon anniversaire dans un quart d'heure. Oh, bah très bien, bah dans un quart d'heure alors, très bien. Bah oui, bah, mais bon, je vais faire une dédicace à JM, qui est à Bordeaux ces temps-ci, un congrès, et à Axel, et à toute ma famille. Et bah voilà. Amis, Damien. Et bah le voilà. Message est passé, ouais, heureusement que j'ai dit à une personne. Bah salut à toi en tout cas, merci beaucoup, et on revient dans quelques minutes avec le canular. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Et bravo à la France d'ailleurs, l'équipe de France Espoir, la 14-0 face à la Bulgarie. Hein, ouais. Ah, c'est du ce foot. On parle de ça, foot, c'est, hein, c'est pas du rugby ou quoi que ce soit, donc c'est bien du football. 14-0 pour l'équipe de France Espoir. Eh bah dis donc, ils devraient aller eux au Brésil là. Eh bien ils vont gagner au moins 3. Peut-être. Bah je leur souhaite en tout cas. Bon, en tout cas il est 23h46, il y a toujours la colle dans quelques minutes que je rappellerai avec Fares. On l'aura au téléphone en même temps là pour gagner la PlayStation 4. C'est la dernière qu'on vous offre ce soir sur Fun Radio. Donc si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900. La réponse à la question, donc qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien. Allez, bonne chance, c'est la nuit sans pub également qui démarre maintenant. Donc si vous voulez venir délirer avec nous, vous êtes les bienvenus, prenez le contrôle 01 42 48 5000. On est là jusqu'à 2h du mat. Il y a le canular aussi qu'on va faire dans quelques minutes sur Fun Radio, avec là aussi des montres Sony Smartwatch 2 qui seront à gagner comme tous les soirs de cette semaine. Et puis on va se faire péter un son que vous avez découvert sur Fun Radio, le son de Clan Carousel maintenant sur Fun. Écoutez ça, on se met en mode chill. Allez, c'est Santan sur Fun. Clan Carousel sur Fun Radio avec Santans. Bon bah bienvenue hein, si vous venez de débarquer là, 23h50. Avant de faire le canular, avant de récupérer Virginie, Hélène, Nicolas et Alex pour parler des poils justement, on va d'abord reprendre Fares. T'es là Fares? Fares? Fares? Ouais, allô? Ah voilà, très bien, on t'avait perdu un moment, tiens. Ah, bon, désolé. Bah c'est pas grave, ça devait certainement être dans le standard, c'est pas grave. Bon alors Fares, tu as une colle toi, paraît-il, hein? Tout à fait. Bon, allez, fais péter la colle. Alors, qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien? Qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien? Eh bien, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. On proposait un pénis. Ah oui, c'est une belle bête. Hein. Ça peut être le mien, ouais. Bon, mais donc c'est pas ça? Non. La Station Spatiale Internationale? Non plus. On proposait la connerie. Oui, mais on a déjà dit que c'était la connerie de Toff, mais malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse. Malheureusement, c'est beaucoup plus lourd que la Tour Eiffel. Voilà. On propose un arc-en-ciel. Non. Non, une éolienne. Non plus. Non, un nuage. Ouais, ça peut être ça. Ouais. Ça pourrait, mais c'est pas ça. L'horizon. Non plus. L'air. Non plus. Non. Bah, je vais pas donner la réponse, Mickaël. Bah non, mais écoute, moi je propose des trucs. Hein. Quand c'est non, tu me dis non. Sa mère. Agnès qui dit c'est un drapeau français. Bah je veux dire oui, comme ça personne ne se trompe et je gagne, non? Bah non, parce que si tu te fous de ma gueule, tu repartiras pas avec la PS4 non plus. Non, je gagne, c'est pas ça. Ah, il fait le malin. Bon, non. Alors, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L, les 4 lettres, espace, la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de Fun, le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L officiel. D'accord? Ok. Bon, allez, bonne chance tout le monde, on tire au sort avant minuit 30. Et puis bah si vous avez la bonne réponse et que vous passez face à Fares et que bah vous avez la bonne réponse, il perd, vous gagnez. Si c'est l'inverse, et bah forcément c'est lui qui gagnera et vous perdrez. Perdrez. C'est beau ça, dis donc. Ah, je mérite un coup de pelle dans la gueule. Les signes n'aiment pas les raies, ouais. Bon, Fares, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va parler des poils avec Ophélie, avec Juliette, avec Virginie, avec Hélène, avec Alex, avec Nicolas. On va parler également avec Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal.

Repasse-moi, attends, Lucie, explique-lui parce que je crois qu'il croit pas là. Hamza, c'est pas vrai, on est à la maison encore là. Ouais. Trop bien. Amélie, tu m'attends au péage d'Orange, je suis sur la route là. Et je vais te démonter. Je savais qu'il allait venir. Ah, il arrive. Oh merde. Oh, c'est pourri. Mais oui, elle y a dit tu m'attends au péage d'Orange, j'arrive. Oh putain. C'est pourri, Ramza. Mais oui, c'est pourri. T'inquiète. Fais demi-tour. Rejoins-toi, prends la main, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bah, ça paiera le péage comme ça. Ouais. Bon, Lucie, Lucie, Hamza et Amélie, je vous renvoie chez Sandro au standard. On va prendre vos coordonnées pour la montre, d'accord? Ça va. Super, merci. Bon, allez, salut à vous. Hein, et reste, et, lâche le champignon, là, Hamza. Hein, tranquille, hein, tout va bien. Reste cool, là. Gros bisous, les filles. Salut à tous. Bon, et si la montre, j'ai oublié de préciser, mais c'est une montre, c'est la montre de la Sony, hein, Smartwatch 2, là, qui vaut 200 euros et qui est connectée, hyper connectée avec votre téléphone. Il y a Léo qui dit, il a baisé les deux, il a baisé les deux. Ouais, je me sentais inspiré comme ça. Stéphanie qui dit pareil, j'adore. Il y a des barres de rire, c'est Julien, là, ils ont baisé les deux. Et oui, Toff a essayé de se remettre en mode Actor Studio. Et Jérémy Love qui dit, pauvre mec, il doit être comme un ouf dans la voiture, il doit rouler comme un dingue pour tuer mais... Michel. Personne tue Michel parce que Michel est un caïd. Ouais. C'est le Michel est invincible. C'est, voilà. Oui, c'est le caïd, exactement. C'est Michel qui tue la mort. Il y a un message de Patrick qui dit trop fort le canular. Et Store qui dit t'en as rien à foutre, t'en as rien à foutre, tu déchires Michel. Bah c'était Michel, moi c'était, je suis pour rien. Et Devers45 qui dit t'en as rien à foutre, mort de rire le canular. Il y a Léa qui a bien aimé aussi. Victoria qui dit c'est à moitié. Chérie, je te fais cocu là, mais elles sont bonnes comédiennes. Oui, elles ont bien joué, c'est vrai, heureusement qu'elles étaient là. Bon, il est minuit 9 sur Fun Radio, on est au cœur de la nuit sans pub. On va récupérer Nicolas, Hélène, Virginie, Alex, Ophélie, Juliette, Pascal, la colle avec Fares et la dernière PS4 à gagner. Le temps d'écouter, vite fait, le son de Dubs maintenant sur Fun Radio. Le son de Dubs, c'est Tsunami. Bienvenue tout le monde, il est minuit 10. Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit sur Fun. Le son de Dubs à l'instant sur Fun et jusqu'au bout en plus, hein, c'était Tsunami. Allez, bienvenue, minuit 13, on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio, donc vous balancez tous vos messages comme d'habitude. Et avant de récupérer notre ami Nicolas, vous êtes là toujours, Hélène, Virginie, Alex, Ophélie, Juliette, tout le monde est là? Allô? Oui. Ah, tout le monde est là, c'est magnifique. Patientez encore une petite seconde, je vais d'abord refaire la colle avec notre ami Fares. Fares, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, très bien, allez, Fares, refais péter la colle maintenant, s'il te plaît. Une peut-être une petite dernière fois. Voilà, c'est ça, une petite dernière. Avant... Alors écoutez-moi bien. Ouais, pour gagner la PlayStation 4 et c'est votre dernière chance puisqu'après il n'y a plus de PlayStation 4 à gagner. Vas-y, on t'écoute. Alors qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien? Qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel mais ne pèse rien? Si vous avez la bonne réponse, on proposait un gaz. Non, c'est pas ça. Non, la réponse c'est le point sur le i. Non. Faut pas le rapport avec la taille de la Tour Eiffel. Sa hauteur, 324 mètres. Non. La réponse est un nuage. Non plus. Mais non, parce qu'on dit que c'est la même taille que la Tour Eiffel et que ça pèse rien, ça peut pas être un nuage. Il y a des nuages très gros et puis des nuages tout petits. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, sans oublier également le Facebook qui fonctionne bien entendu. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Venez nous rejoindre également, vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est quasiment 20 000 aussi hein, sur le Twitter, à mon avis, on va les passer ce soir. Grâce à vous et au fait que vous fassiez la pub dans votre bahut, auprès des gens que vous connaissez, sur Internet, qu'il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio, 23 2h, 2h la semaine et 20h minuit tous les dimanches soirs. Bon, allez, bonne chance. On tire au sort dans un quart d'heure, Fares, hein, pour la PS4. Hein. Il n'y a pas de soucis, je suis là, t'inquiète. Bon, bah très bien. Allez, bouge pas de là. On va faire quelques appels encore avec Toff dans quelques minutes. Et avant cela, eh bien, nous récupérons maintenant Nicolas avec sa copine qui est poilue. Hein. Ouais. Très voilà. Poilue. Et il y a Hélène également qui est avec nous de Fontainebleau. Salut Hélène. Bonsoir. Comment ça va, ma belle? Bah ça va, très bien, merci bon, vous. Mais oui, ça va, tu écoutes depuis longtemps ou pas? Bon, dans petit l'absolu, bout de temps. Hein, pas ce soir, hein, je te parle, hein, pour savoir si tu nous as découvert il y a longtemps bien. Ou pas. Non, c'est un petit bout de temps, quand d'accord, même. D'accord, très bien, et ben tant mieux. On a pas eu le message de bienvenue, c'est ça en fait. Ah, tu veux un message de bienvenue? Oh bah oui, pourquoi pas. Tu veux un dégueulasse ou un pas trop dégueulasse? Un bien dégueulasse. Un VIP? Bon, pourquoi pas. D'accord, c'est toi qui l'as voulu, hein. On va aller chez ta mère, hein. Je te fais bander, moi. Je vais t'inquiéter. Je vais te montrer comment tu vas bander. Voilà, tu vois, t'as voulu, tu as eu, fallait pas demander en même temps. Hein. Merci. Bon, avec plaisir, moi si je peux rendre service, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, alors du coup, Hélène, toi tu voulais réagir à Nicolas parce que j'avais demandé l'avis des filles, j'étais un petit peu paumé, j'avais besoin de vos avis, mesdemoiselles. Enfin, une fille. Bah voilà, c'est ça, et là d'autres, hein, t'inquiète pas. Et donc, je voulais savoir si on avait quelque chose à vous demander, les filles. Est-ce que vous préfériez qu'on passe, qu'on essaye d'être, je vais pas dire gentleman, mais. D'essayer de passer sur le côté pour essayer de pas vous vexer, ou alors il fallait y aller franco de port? Bah moi je préfère qu'on y aille franco de port quand même, hein. Ouais, mais est-ce que, parce que ça aussi je vous connais, hein, est-ce que si on y va franco de port ça va pas être ouais mais tu te prends pour qui, pourquoi tu m'as dit ça comme ça, t'as appris que quoi, etc, etc, tu et vois, tu vas en manger pendant 10 après, après il y a franco de port et puis il y a franco de port quoi. Tu m'expliques la nuance de franco de port et de franco de port, ouais, ça m'intéresse. C'est quoi la différence? Faut y aller plus à la dinde en fait. Ah, plus à la dinde. Voilà. Ok, très bien, d'ailleurs joyeux Thanksgiving pour les Américains qui nous écoutent en parlant de dinde. Et donc du coup, donc toi ton mec doit te dire qu'il doit te raser, que tu dois te raser, tu dois t'épiler parce que ben en dessous des bras, les jambes, bof bof. Du coup tu préfères qu'on te dise bon écoute Hélène, ma chérie, mon amour, comme tu veux, il faudrait que tu te rases. Non, tu vas me virer, bah, cette fois, ouais, hier, voilà, qu'on le bras. Dise quoi, tout simplement. Mais tu risques pas de mal le prendre raser, quoi. Tu risques pas de mal le prendre? Bah enfin oui et non, parce qu'en fait en règle générale je suis rasée, donc en général, le problème se pose pas. Mais enfin après si jamais je suis pas rasée et qu'il me dit bah ouais écoute je préfère quand c'est rasé, je lui en voudrais pas parce que moi-même je préfère quand c'est rasé. D'accord. Donc, en même temps il paraît que c'est le retour du poil. Hein. Oui, il paraît que c'est le retour du poil. Effectivement, les gens apparemment préfèrent laisser pousser. Moi, je suis pas du tout. Je dois être vieux jeu, à mon avis, mais moi, je suis pas trop. Mais du coup, moi, c'est un peu. Ouais, je préfère moins de poil quand même. C'est ça, t'es peut-être précurseur en fait, Nicolas, hein, va savoir. Il y a Stéphanie qui dit : je suis ouvert à toute proposition de sortie, même les plus sexuelles. Magique le badou de top. Il y a Marvin aussi qui dit : il me semblait bien que c'était lui en voiture et que c'était pas un bruitage que vous mettiez. Ah oui, dans le canular. Oui, non, c'était pas moi, on mettait pas de bruitage. Hein. C'est lui qui était en chien et qui est en voiture. Louis qui dit : t'en as rien à foutre, ils ont baisé les deux, des phrases cultes. Et Nathalie qui dit : hey, t'as rien à foutre, ça m'aurait gavé un truc de malade. Ah oui, tu m'étonnes, hein. Franchement, moi j'aurais pété un plomb aussi. Tu veux pas me sucer un peu là? Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle le gars déjà ? C'est Gilou. Ah, Gilou. Bon, c'est attends, énorme ce gars. Ah, il est énorme. Il est totalement énorme. Il y a Virginie également qui est avec nous de Meurthe et Moselle, de Jarny. Salut Virginie. Salut l'équipe. Bonsoir, comment vas-tu Virginie ? Bonsoir. Très bien. Bon, ben bienvenue à toi. Alors, toi tu voulais aussi réagir par rapport au poil ? Oui. Bah dis-nous tout, comment ça se passe chez toi et puis qu'est-ce que tu voulais dire ? Bon, chez moi déjà ça se passe très bien, il n'y a pas de poils, c'est sûr. Ah mais attention, après... les filles qui aiment les poils, ça peut très bien se passer pour elles aussi. Hein. Une fille qui adore les poils va dire, chez moi ça se passe très bien, moi je suis poilu. Non mais tu vois ? Oui. Et après, donc pour revenir là-dessus, bah, moi c'est moi qui ai demandé à mon copain de s'épiler, voilà, parce que moi c'est pareil, je préfère... Ah bon ? Et oui, pourquoi tu préfères quoi toi, les mecs rasés, archi-rasés, genre épilés ou raccourcis, enfin entretenus Non, vraiment rasé quoi. Ah, juste tout rasé. Juste en dessous des bras et ce qui est sexe, c'est tout. Le style nageur. Ah bah voilà, ouais, parce que pour revenir aux aisselles, ouais, les femmes elles aiment bien. Oui, non, mais d'accord, oui. Ok, ça je suis d'accord, parce que c'est vrai que ça fait dégueulasse. Surtout, alors ça par contre c'est d'une laideur, c'est quand, tu sais, t'as les bras qui pendent, enfin, tu vois. Ouais, t'as poils qui ressortent devant. Et t'as des poils comme ça qui ressortent. Ça m'est arrivé avant. J'avais ça, moi. Oh, l'angoisse. J'étais très fier, moi, de mes... Quelle horreur. Oh, ok. Et puis après, c'est quand t'es genre à la plage ou à la piscine ou n'importe où, et tu sais, tu lèves les bras, tu sais, pour te mettre en mode couché, mode pépère, tu vois. Et là, t'as tout qui ressort. Moi, j'avais un copain à la classe, à la plage, qui transpirait, et en fait, ça goûtait. Oh, horrible. Okay, le pire de tout, c'est que j'étais à la plage, la meuf elle était en maillot de bain et tu voyais les poils qui ressortaient par-dessus. Le pire de tout, c'est la tête de teuf, elle transpirait. Il y a Tiffany qui dit vous êtes au top, merci Tiffany sur Facebook. Alexou également, mort de rire, je suis plié, très bon canular tout à l'heure. Et Léo également, Gilouco qui est rentré dans le canular, j'en pleure encore. Bah oui, bah on invite des guests dans les canulars, donc qu'est-ce que vous croyez? Bon, et donc Virginie, tu m'as pas dit, en même temps je t'ai pas posé la question, est-ce que si on a quelque chose à te demander, imaginons que je sois ton mec, Virginie, est-ce que tu préfères qu'on y aille franco de port ou qu'on essaye de mettre des gants, quitte à être un peu maladroit? Ben non, je préfère qu'il soit franc, mais Donc il est quand même un peu de tact quand même dans ce qu'il voilà, dit. Voilà, qu'ils disent pas, ouais, écoute, j'en ai marre, couche avec un porc épic, fais quelque chose. Oui, voilà. tout simplement voilà. Qu'ils demandent de traser, quoi. c'est tout. Voilà. Un porc épic, c'est bon. J'étais en train de penser peut-être la solution que justement moi je dise, bah moi je m'épile, moi j'aime bien, et justement le fait de parler de moi. De parler de mes poils, peut-être que là, elle dira, bah ouais, bah moi je compte le faire, ou alors. Ah bah voilà, non mais c'est ça, peut-être ça peut venir. Ouais. Ça dépend de comment tu le dis, parce qu'elle peut dire, ouais, en gros, t'as tes propres et moi je suis sale, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Attends, ouais, on va quand même reprendre Alex qui avait son mot à dire aussi, là, c'est un mec, mais il est là. Alex, 21 ans d'Alès. Bon alors, Alex. Alors, ouais, oui. Bah, tout à l'heure, j'ai la radio, là, je me suis pas mal reconnu par rapport à ma première copine. Ouais. Au départ. Au tout départ, là, je savais pas à quoi ressemblait vraiment une fille, etc., etc. Et puis quand je me suis retrouvé devant le fait, eh ben, j'ai été un peu choqué parce qu'elle avait un peu un bob d'éponge entre les jambes, quoi. Grande classe. Voilà. Bon, ben là, je suis content que tu sois dans le même cas. Alors, voilà, si je peux donner un conseil à Nico, faites une association, les gars. Ouais, c'est ça, une petite association, ça peut être bien, non ? L'autre, je suis content que ce soit dans le même cas. Alors, bonjour, je me présente. Vas-y, faites une association. Donc, voilà, si je peux donner un conseil à Nico pour sa copine, qui lui propose de délaguer, enfin, pas de tout raser parce qu'il y a un parasite. Voilà, voilà, ce genre de c'est pas un arbre. Élaguer. Ouais. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Alex, voilà, Alex. Oui. Bon, c'est vrai que si tu vas chez ta meuf en disant il faut élaguer, je pense qu'elle va se prendre pour un arbre et. Allez, voilà, exactement. Ça peut très mal se finir, hein. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut prendre mal, par exemple, quand on le dit comme ça. Voilà, tu vois. Alors que ça part pas d'un mauvais sentiment, hein, mais c'est juste que élaguer n'est pas le mot adéquat. Oui, oui, je sais, mais comme voilà. par exemple pour les préliminaires ou quoi, ou par exemple pour les cunis ou quoi, ben ça peut paraître un peu problématique. Par exemple, attendez, chacun son tour. Oh, l'association des poils. Non, mais j'ai pas envie de mettre la langue, quoi. Oui, mais non, mais voilà, mais ça je comprends. Ah ben oui, c'est sûr, c'est nié à le microbe. Ouais, le problème du poil, c'est qu'après ça se coince entre les dents et tu l'as pendant toute la relation, quoi. C'est bien dégueulasse, c'est bien crade. Bon, alors toi, attendez, légendaire finesse. Attendez, parce qu'il y a Ophélie aussi avec nous, 20 ans de Lille. Là. Bonsoir, Ophélie. Ophélie. Non, malheureusement, Ophélie nous a quittés. Non, elle est là. Elle s'est étouffée avec un poil. Ophélie. Bon, on va la reprendre après. Il y a Juliette de Nancy, il a 20 ans. Salut Juliette. Salut. Comment ça va, Juju? Eh ben ça va et vous? Bah ça va bien, hein. T'écoutes l'émission depuis longtemps ou pas, toi? Eh ben écoute, pas du tout. En fait, je suis tombée dessus la soir. Non. En roulant, ouais. Oh. C'est la toute première fois que j'écoute votre émission. Désolée. Ouais, bah écoute, ce qui m'inquiète un peu, c'est que la dernière meuf qui m'avait dit qu'elle venait d'écouter l'émission, elle a trouvé ça nul. Et elle est restée parce qu'elle avait pas le choix, parce qu'elle captait aucune autre radio. Donc, c'est ton cas également ou pas, Juliette? Non, mais moi j'appelle parce que franchement, votre émission, elle m'a révoltée. Et vos propos concernant les poils, non mais attendez, faut arrêter. Genre, c'est dégueulasse. Attendez, tout le monde se tait. Juliette. Tu dis vos propos, c'est-à-dire les miens, ceux de Polo, de Toff ou des auditeurs? Franchement, écoute, je sais pas, de vous, des auditeurs, alors, de tout le monde, quoi. On n'a pas tous dit que c'était dégueulasse, hein. Mais une grande majorité des mecs, surtout, ont dit que c'était dégueulasse, que c'était écœurant, un Chewbacca. Si, association, stop, s'il vous plaît. Uniquement Juliette va parler parce que sinon c'est un bordel. Vous parlez tous en même temps, on comprend rien. Bon, Chewbacca c'est moi, j'admets. Bon, okay, mais en même temps, j'ai pas dit que c'était les meufs. J'ai dit si c'est une meuf qui ressemble à Chewbacca, ce qui n'est pas la même chose. Une meuf qui est hyper poilue, c'est moche. Je suis désolé, c'est mon avis. Ouais, c'était non, je suis d'accord. Moi, ah non, je suis d'accord. Voilà, c'est pas bon, mais c'est pas hygiénique, quoi. Voilà, on est d'accord. Ouais, bon, on est Juliette, d'accord. Dis-nous ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu veux dire? On t'écoute. Eh ben, écoute, moi. J'ai eu l'expérience du mec qui me l'a dit franco. Ouais. Tu vois, genre, juste après, il me fait « Ah, dis donc, j'aime pas trop les poils !» D'accord. Et franchement, vous évitez les mecs, quoi, vous évitez. Alors, je suis d'accord d'être franco, d'être direct, il faut se dire les choses et tout, mais il y a un moment donné, faut prendre des gants, faut pas se voler la face. Tu dis cash à une fille, elle va te dire peut-être, sur le coup, ouais, c'est pas grave, mais non, c'est grave, je suis désolée, tu dis pas ça comme ça, un peu de tact, un peu de délicatesse. Juju, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut un minimum de délicatesse quand même. Ouais, bah même 100% de délicatesse. Ça dépend pour qui, quoi. Oui, mais ça, non, mais c'est sûr que ça dépend toujours pour qui, c'est évident. C'est ma chérie, serait-il possible que tu retires cette moquette qui t'entrave? Oh mon dieu! Ça peut être un jeu ludique, vous prenez une pince à épiler, puis hop, vous épilez ensemble. attendre la prochaine fois, puis dire, dis donc, tu t'es rasé, chérie, aujourd'hui? Oui, ça aussi, c'est une idée. Après, je te tiens par la barbichette, je te tiens par le poil. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Mais maintenant, après, pardon, il faut voir aussi, tu vois, c'est-à-dire que t'as des filles qui, au niveau, par exemple, du sexe, rasent pas tout, tu vois, elles ouais, coupent, moi, je fais ça, enfin, moi, j'épile pas tout. Voilà, mais c'est ça. Partie, quoi. Mais t'as pas des longs poils qui partent de partout, qui sont dégueulasses? Ouais, non, quand même, non, voilà. J'ai pas des cheveux, non. Voilà, c'est ça, exactement. Mais moi, ouais, c'est ça, voilà. Le truc. Maintenant, t'en as qui prennent pas soin du tout, comme la copine de Nicolas, visiblement, puisqu'elle a des poils sur les jambes, des poils sur le en dessous, ouais, des aisselles et tout ça, c'est une horreur. En même temps, pour quelqu'un qui pratique l'épilation, enfin, comme moi, quoi, et ben, ça fait tellement mal. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça fait tellement mal. Vous êtes c'est pour ça que je me rase, moi. Ouais, mais quand tu traces, tu piques. Bah oui, oui, exactement. Bah, enfin, derrière les moustaches, quoi. Non mais je suis d'accord. C'est vrai que ça pique. C'est vrai que ça peut. Ça pique et en plus ça fait mal. C'est vrai. On est bah d'accord. Bah oui, c'est ça. C'est encore pire, je trouve. Autant avoir des poils plutôt que de piquer comme une moustache, quoi. Je préfère piquer. Tu préfères piquer? Ah ouais. Je dois savoir. Ouais, mais franchement, ouais, je préfère que ça pique plutôt que d'avoir des poils partout. Ah ouais, franchement, ouais. Ok. Ouais. Et puis comme ça fait velcro avec les miens, donc. Ça reste un petit moment. Ça reste un petit moment avant de piquer quand même. Ouais, mais bon, on voit après. Avant de piquer vraiment au point désagréable, quoi. Bon, et attends, on va quand même prendre Ophélie avec nous là. Ophélie, t'es là? Bonjour. Ah, elle est de retour, Ophélie de Lille. Comment ça va? Ça va et vous? Mais très bien. Bon, Ophélie, alors, tu voulais aussi réagir, toi, par rapport au poil, pour terminer? Oui. Donc, je voulais donner comme conseil d'être franc. Bon, pas trop non plus, comme on vient de l'expliquer. Ouais. Mais ça serait peut-être bien de lui demander si elle aimerait le faire, déjà. Lui poser la question. Ah, si elle voudrait épiler, quoi. Voilà, si ça lui dit de le faire, d'essayer. Et pareil, il existe des techniques différentes. Il y a la crème épilatoire qui fait pas du tout mal et qui marche très bien. Bah sinon, il y a la technique du porno. Hein. Regarde, chérie, elle a pas de poils. Tu voudrais pas faire comme elle? Oui, c'est vrai. On se rase ensemble. On se rase ensemble si tu veux. Il y a pas de problème. Mais ça, je l'ai fait. C'est pas mal. Non. Bah ouais. Faut voir. Attendez. Ensemble, je l'ai fait, hein, pas le coup du film porno. On a compris. Ophélie, tu disais? Au niveau des aisselles, par exemple, ça la dérange pas d'être en maillot de bain l'été et d'avoir des aisselles jusqu'à terre, quoi. Bah, écoute, il y en a que ça dérange pas. Moi, j'ai connu une meuf comme ça, elle était dans la même classe que moi, et la meuf, elle en a rien à foutre, quoi. Quand elle mettait des collants en hiver, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais tous ses poils qui étaient écrasés sur sa peau, et tu voyais tout, c'était dégueulasse, quoi. Ah ouais, c'était franchement idiot. Dégueulasse. Tu voulais dire, Nico? Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bravo, Nicolas, tu vois, ça valait bien la peine. Ah, tu veux faire le malin, mais on en a des histoires dans ma gueule. Oui, bon, non, du coup, vu que ça fait pas longtemps, ça fait à peine 2 mois, et ben ça me. Voilà, ça me repousse un peu. Je me dis, autant trouver une autre meuf, quoi. Non, dis-lui, voilà, et si elle le prend mal, ben tant pis. Voilà, elle le prendra mal, c'est comme ça. Et si elle le prend pas mal, et si elle veut pas, bah elle veut pas, et à ce moment-là tu peux la quitter si tu veux, pourquoi pas. Ouais, c'est dommage quand même. Mais oui, mais si ça se trouve, tu vas lui dire, elle va essayer, et puis finalement elle va aimer. Ouais, peut-être que, ouais, voilà, après. Ouais. De toute façon, t'as rien à perdre, donc vas-y, essaye. Ah, oui, ouais. Sinon, il reste la crème dépilatoire dans son sommeil, hein, tu lui étales. Ah, après, oui. C'est une idée, ouais. Bon, bah merci en tout cas, Hélène, d'être passée, hein. Bah merci à vous. Et bah gros bisous, Hélène, à bientôt. Bravo. Bisous. Et gros bisous à Virginie également. Gros bisous. À bientôt. Merci Alex d'être passé. Et je suis parti. Merci Ophélie et Juliette. Hein. Je vous fais des gros bisous, ouais, les filles. Ouais, salut, gros bisous. Merci, ouais. Salut, à bientôt. Salut. Ciao à vous, bye bye. Bon, et bah Nicolas, bah maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Fonce, hein. Ouais. Bon, tu nous tiens en jus. Ouais, mais alors une seule personne, hein, comme d'hab, allez, vas-y. Eh ben, dédicace à toutes les Stéphanoises et les Stéphanois qui écoutent, tous les supporters des Verts, voilà, notamment Antoine. Allez les Verts. Ils jouent contre qui ce week-end? On reçoit Reims et moi je suis abonné, donc c'est pour ça que je viens. Bah, tu dédicace à Antoine, c'est pour ça. Je suis tout le temps avec lui et surtout avec ce qui se passe, c'est vrai que c'est difficile pour parler pas seulement de Saint-Etienne, mais tous les autres clubs, avec les incidents. Exactement. Les incidents qu'il y a dans les stades, les déplacements, nous, en tout cas, nous, on est privés jusqu'à la fin de l'année de déplacements extérieurs. Pareil, ouais. Et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que avec Monsieur Boutonnet, je crois, le directeur de la lutte contre le hooliganisme, et avec le président de la LFP, c'est malheureusement c'est mal barré pour les clubs français. Et à mon avis, il y aura plus de tribunes. Bon, je t'avoue qu'il y aura plus d'ambiance. Je t'avoue que moi, j'en touche pas une et que je m'en branle un peu du foot. Mais dans la non, mais voilà. Après, pour ceux qui s'y connaissent, pourquoi pas. Et puis nous, on est des hooligans. Ouais, c'est ça. On a des fusils, on a des fusils. Non, je suis pas un hooligan non plus. Voilà. Plaisante, j'imagine. Et d'ailleurs, j'ai dit de la merde tout à l'heure, j'ai dit que c'était l'espoir des Français là, qui avaient fait 14-0. En fait, c'est des meufs qui ont fait 14-0. Wow. Moralité, les meufs devraient aller jouer pour représenter la France au Brésil. C'est un sport de femmes. Eh oui. Je le dis. Ouais, c'est ça. C'est une idée. Bon, on va faire la colle dans quelques minutes. On va également récupérer. Où est-ce qu'il est? Ben, je l'ai perdu. On va récupérer Pascal dans quelques minutes. Vous aussi, si vous voulez nous appeler, bah n'hésitez pas. Hein, 01 42 48 5000. 02 851 4x0 également depuis la Belgique. Et il y avait Flora qui était passée nous voir ce soir là, parce que c'était son anniversaire. Attends, pousse le bouton. Voilà, comment ça va Flora? Très bien, merci. En forme? Oh, oui. Oh, Toff, attention à ce que tu fais, parce que Polo est armé. Oui, il est armé, Polo, fais attention. Attention, il te tire dessus du moindre truc, il te tire dans la tronche, tu vas voir. Bon, Flora, ben merci de passer. En plus, quel âge aujourd'hui? 13 ans. 13 ans aujourd'hui, bah, très bien, bah, bonne année. Ah, hier? Ah, bah oui, parce que depuis 30 minutes, ouais, il est minuit 30. Bon anniversaire. Ok. Bah, bon anniversaire, Flora. Et c'est qu'est-ce que t'as reçu? De l'argent. Ah, tu vas être blindé. Et ici aussi, et oui, en plus, t'es venu ici, t'as vu, pour ton anniversaire, tu as vu Toff. Quel beau cadeau, hein. Beau cadeau pourri quand même, hein, ça. Bon, bah, merci Flora, en tout cas, d'être passé. Je te fais des gros bisous et puis tu reviens quand tu veux. Tu voulais pas faire une dédicace, tu m'as dit? Ah, bah, vas-y. Approche-toi du micro comme moi, devant. À l'école Courmontaigne et à tout le 13e. Très bien, eh ben on embrasse à Paris évidemment. Oui. D'ailleurs, on sait jamais. Hein. Ouais. Très bien, ben merci beaucoup Flo et à bientôt alors. À bientôt. Allez, gros bisous. On s'écoute le son de Jason Derulo, tiens maintenant, avec The Dirty Talk sur Fun Radio. Il est minuit 32, on est au cœur de la nuit, sans pub. On va encore faire des appels avec Toff juste après ça sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. What? I don't understand. Jason Derulo sur Fun Radio avec Dirty Talk. Il y aura Motonets dans quelques minutes. Avec Dancing with the Stars. Je vous cale aussi Avicii. Ou encore Drake. Et ça c'est avant 2h. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, n'hésitez pas, hashtag Mickaël bien entendu comme d'hab sur le Twitter de l'émission, pareil sur le Facebook ou même encore aussi d'ailleurs sur les SMS ou le standard. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a Léo qui lit mort de rire, Toff qui lui dit de mettre la crème dépilatoire dans son sommeil. Il est vraiment con ce mec. Il y a Alexou qui dit ce soir dans l'émission c'est la guerre au poil. Alexou également ce soir, bah, je viens de le dire. Il y a Renaud qui dit moi j'aime bien les chattes avec du poil. Ouais, bah, j'aime pas trop non plus. Aurélie qui dit qui lui propose comme si c'était son fantasme. Elle voudra peut-être lui faire plaisir. Oui, c'est vrai que c'était une idée, effectivement, pourquoi pas. Il y a un message qui dit toute première fois qu'elle écoute, ça mérite un coup de pelle. Bah non, n'allez pas la maltraiter, la pauvre Juliette, là, quand même. Et le prince Nadia qui dit Juliette est tombée sur l'émission de ce soir par hasard. Le hasard fait parfois bien les choses. Ouais. Oui, bah le principal, c'est qu'elle revienne après, hein, si elle a bien aimé. C'est vrai, ça. Dédé aussi qui dit pour les poils, il faudrait que les chercheurs nous permettent d'être imberbes pour régler le problème. Et Alexoun qui dit les poils sous le bras. Pareil pour les mecs, faut couper car c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Et Stéphanini qui dit non mais homme ou femme, les poils c'est juste une horreur. Et Daoud Douida qui dit pour les filles, y a pas mieux que Kojak. T'as déjà essayé de faire l'amour avec une femme quand t'es à la pêche aux poils avec ta langue? Ah ah ah. Oui, j'avoue que c'est assez dégueulasse. Nous sommes d'accord. Il est minuit 37 sur Fun. Pour prendre la défense du poil, le poil a une utilité quand même. Oui. Ça nous protège, ça nous. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est une c'est utilité. Vrai, c'est vrai. À la base, ça a une utilité. Bah oui. C'est vrai. Voilà. Bon, on va faire quelques appels encore avec Toff. Mais allons-y. Puisque bah on voulait savoir. Ce soir, j'ai oublié du coup. Bah, c'était si les gens se masturbaient. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Puisque 87% des mecs qui se masturbent au moins 3 fois par semaine et 67% des femmes. C'était pas une fois par semaine? Une fois par semaine? Ouais, je pense qu'une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Ouais, bon, d'accord, ok, très bien. Il me semblait que c'était celui-là. Bon, enfin bref, on va appeler les gens parce qu'au final, c'est pour ça. Hein, c'est juste un prétexte. On appelle maintenant des gens, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Des gens encore debout à cette heure-ci, bien entendu, pour leur poser la question afin de voir si ce sondage est vrai ou il est faux. C'est parti, on y va, on appelle, on récupérera Fares pour la colle et on aura Pascal. Ouais, attends. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Attends deux secondes. Oui, pas de problème. Allô? Oui, voilà, donc je voulais savoir à quand on remontait. C'est qui, dis-moi, c'est qui, dis-moi, t'es qui. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Non, dis-moi, tu m'appelles t'es qui. Pourquoi tu m'appelles en privé? Bah, parce que je voulais savoir à quand on montait la dernière fois où vous êtes masturbé. C'est quoi cette question? Bah, c'est une question, monsieur. C'est quoi, dis-moi, gamin? Mais non, je m'appelle pas, si tu veux m'appeler, tu m'appelles avec ton numéro. Bah, je vous appelle avec mon numéro, monsieur. Ah, je... Quel relou. Bon, on rappelle. Allez, c'est reparti. Je m'attendais à plus d'insultes. Ouais, tu veux quoi? Bah non, je m'excuse, on a été coupé et... Dis-moi, tu veux quoi? Dis-moi, tu veux quoi? Bah savoir quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois. Tu veux quoi? Bah juste savoir quand vous êtes masturbé pour la dernière fois. Quoi, tu t'assumes pas tes couilles, tu m'appelles avec ton numéro, tu veux faire une blague, c'est quoi? T'as quel âge? Bah moi j'ai 32 ans, monsieur. T'as rien à faire de ta vie ou quoi? Bah non, rien de spécial. Rien de spécial? Bah non, je veux juste savoir quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois. Ah, suce ton père, chien, va. Suce ton père. Toute la famille va y passer, hein. La grande classe, on rappelle. C'est la première fois, mon père. C'est vrai. Attends, on rappelle. Encore un petit coup. Alors. Oui, allô, je comprends pas. Pourquoi vous êtes si désagréable? Oh, il veut plus parler. Il aurait pu faire un effort quand même. Suce ton père. Bah oui, suce ton père, effectivement. Bon, bah tant pis, on n'en saura pas plus, c'est dommage. Mais c'est comme ça, on va faire la réponse avec la colle maintenant pour gagner la PS4. Est-ce que tu es la Fares? Ouais, jamais de limite, toujours là. Bon, tout va se passer maintenant, tu le sais. Ouais, je sais pas. Ça va passer, ça va casser, je ne sais pas, on verra bien. Donc je rappelle que pour que tu puisses gagner, tu as posé une colle tout à l'heure. Il y a eu des réponses, des bonnes, il y a eu des mauvaises, comme tu as pu le remarquer. On va donc appeler maintenant quelqu'un au hasard. Si la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, tu perds et cette personne gagne. Ok. Si jamais il ne décroche pas ou qu'il donne la mauvaise réponse, eh bien c'est toi qui gagne et elle qui perd. Ok. J'espère, ouais. Ah ben j'imagine. Bon, on y va, c'est parti, on appelle. Eh ben, je te souhaite bonne chance, hein. Merci beaucoup, Mickaël. Allez, c'est parti. Je ne sais pas chez qui on va, mais nous verrons. Allez. Allô. Allô. Allô. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Julien. Julien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Oui. Je t'appelle parce qu'il y a Fares qui a une colle à te poser. Oui. Eh ben vas-y Fares. Ah putain Julien, il fallait pas répondre mais bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qui fait la même taille que la Tour Eiffel qui ne pèse rien? Bah son nombre t'as perdu. Wow. Ouais. C'est gentil. Eh ben voilà, comment tu t'appelles, dis-moi encore? Julien, oui, excuse-moi. Bon ben Julien, eh ben bravo, la PS4 elle est pour toi, hein. Tu viens de la piquer à Fares là, enfoiré, ouais. Va. Bah mais dégueulasse. Ah ouais. Ah ouais, là ouais. Bon ben Julien, PlayStation 4 à toi, bravo hein. Bah merci à vous. Bah écoute, vous échangerez les numéros, comme ça vous pourrez échanger les ID une fois que vous aurez une console tous les deux. Ah bon, bah voilà, y en a un des deux qui devra l'acheter mais. Exact, ouais, tu pourras faire un petit battle comme ça, c'est bien. Ouais. Bon ouais. Bah bravo Julien, PlayStation 4 gagné pour toi, félicitations. Et puis bah Fares, on va quand même te filer un pack fun, c'est toujours ça de prix. Ouais bah ouais, c'est pas grave. Bon. Hey, Mickaël. Ouais. Comme c'était le dernier jour de la PS4, tu peux pas faire une exception ou pas? Avec? Avec en m'offrant une PS4, non? Non. Non, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé quand même. On peut t'offrir des autocollants si tu veux, c'est pas mal. Ah aussi. Bah oui. Vous êtes un sacré petit galéron. Hein, Fares? Non, mais on sait jamais, je demande ouais, pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as bien fait de demander. Hein. Pitoyable, ouais. Mais pas digne de pitié. Voilà, on sait jamais. si ça se trouve. Ah, je suis dégoûté, putain. Ouais, mais pas. Ça se trouve pas, là, c'est dommage. Enfin, ça viendra c'est un jour, mais Fares. C'est comme ça. Non, mais pas. Bon, c'est un jeu, t'avais une chance sur deux, bah c'est raté. Ouais, ouais, je comprends, c'est normal. Et c'est Julien qui l'a pécho sous ton pif en plus, hein. Ouais, non, mais le pire, c'est quand il a dit, genre, c'est son nombre et t'as perdu. Ouais, il t'a bien clashé, hein. Super, ouais, grave, dégueulasse, quoi. Bon, bah salut à vous deux, en tout cas, bravo Julien pour la PS4. Merci. À bientôt. Bah bravo Julien, en tout cas. Eh oui. Ciao à vous deux, en tout cas, bye bye. Et puis bah bravo également à tous ceux qui ont réagi, donné des réponses aussi sur le Facebook de l'émission et sur le Twitter et sur les SMS bien entendu. On rejoue dès dimanche soir et attention parce que dimanche soir va y avoir du lourd. Ah, c'est-à-dire? Ah bah alors toute la semaine prochaine je vous offre des iPad Air. C'est les nouveaux iPad de chez Apple là, qui sont sortis il y a 3 semaines je crois, un truc c'est comme ouf, ça maintenant, 3 semaines à moi. On va vous les offrir toute la semaine prochaine. Et dimanche soir. Ouais. Dimanche soir. C'est dimanche soir. Dimanche soir. Ouais. Dès 20h. Ouais. Je vous offre. Ouais. je vous offre. Ouais. Il vous offre. Oui, 500 euros. Arrête. Pour les meufs. Pour acheter des fringues ou du maquillage. C'est sérieux là. Voilà. Et pour jouer, les mecs. Et pour les mecs, bah, vous pouvez acheter des fringues ou du maquillage aussi, hein, cela dit. Mais vous pouvez aussi acheter du high-tech. Donc voilà, je vous offre 500 euros. Vous pouvez acheter maquillage, fringues ou high-tech, comme vous voulez. Vous avez 500 euros, c'est voilà, partout. Vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà. Ça, c'est la classe. Grande classe. Franchement. Pépère. Franchement. Franchement, eh ben, tu peux le jouer, mais t'auras perdu d'avance, toi, je te le dis direct. Donc voilà, comme ça vous savez, faites passer le mot, ce sera la semaine prochaine sur Fun Radio, entre 20h à minuit dimanche et toute la semaine de 23h à 2h du mat. On va récupérer notre ami Pascal maintenant qu'on l'avait eu tout à l'heure. Pascal, est-ce que tu es de retour ? Oui, les filles. Très bien, parfait. Bon alors, Pascal, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, tu t'appelles de Perpignan. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler pourquoi tu appelles et quel est le problème ? Bon, il n'y a aucun problème, j'ai eu le problème après, quoi. Bon, bah explique déjà ce qui s'est passé. Alors, c'est simple, je suis allé dans une boîte où je vais régulièrement, où je suis connu. D'abord, maintenant, je pense que je suis cassé. Hein ? Parce que je suis sorti avec une fille qui s'appelle Patricia. Ouais. Une trentaine d'années, qui est très bien. Attends. La boîte, c'est quoi comme musique ? Parce que c'est important. C'est mais la musique actuelle, c'est la musique de Fun Radio. Hein. D'accord, ok. Tu veux de l'ambiance ou pas ? Bah l'ambiance, oui, allez, vas-y, au revoir. Allez, on y va. DJ Mimi. Voilà, t'inquiète, je suis en pleine forme le soir. Bon, alors, vas-y, explique ton histoire. Bon, voilà, je suis allé, donc, de toute façon, vous la connaissez, cette boîte, hein, vous êtes déjà venu, hein, sur la colline... Les loisirs à Canet-Plage. Ah bah bien sûr. Non, mec, pas du tout. Comment t'expliques ? Non mais il y a peut-être déjà eu des soirées fun. Mais moi, nous n'y sommes pas encore allés. Parce que je rappelle qu'on est sur Fun depuis le 22 juillet. Donc ouais. Non, c'est pas toi qui est venu. Mais c'est pas grave. C'est peut-être Carrel, c'est peut-être Bruno. C'est celui qui est passé dans l'émission juste avant toi. Oui, Carrel, c'est bien ça. Bon bah voilà, exactement. Bon, eh bah écoute, pas de problème. Alors ensuite. Bon, quand est-ce que tu viens à Perpignan d'abord ? Eh bah écoute, là on va à Montpellier la semaine prochaine, mais Perpignan, bah on fera un de ces quatre, hein, Perpignan. Ouais, et on va aller dans le faire. Tant qu'à faire, on va attendre qu'il fasse plus chaud. Bah oui. Je veux dire, il fait pas mauvais en ce moment. Non, mais d'accord, mais bon, quand il fait. Ce que j'ai vu la semaine prochaine à Montpellier, ils annoncent plein soleil tout le week-end, ça va être la folie. Mais bon, 12-13 degrés, tant qu'à faire, autant y aller vers le mois de mai quand il en fait 25-30, tu vois. Ouais. Voilà, t'as tout à fait raison. Ah oui, c'est plus sympa. Bon, bref, donc du coup. Bon, t'as enfin, bref. Donc je suis allé dans cette boîte, je suis dit où je suis habitué. T'as été dans cette boîte et puis j'ai rencontré une fille d'un certain âge, 30 et quelques années, ouais. Très bien d'ailleurs. D'accord. Donc je suis sorti avec, enfin bref, sans rentrer dans les détails. On rentrera dans les détails après. Hein. Ouais. Après, donc dans la même soirée... Et le détail, c'est quoi, c'est sa chatte ? Bah mais t'es un bouffon toi. Bah oui, je suis là pour ça mec. Et oui, donc dans la même soirée, j'en ai rencontré une deuxième... que j'ai sorti aussi et sans le savoir c'était sa sœur. Ah mais tu l'as qui bouffon alors tu l'as tringlé alors, ou tu l'as juste galoché tu vas parler mieux des femmes toi. Bon, tu lui as explosé sa chatte ou pas? On va aller à Perpignan, il va taper, ça va être bien ça. Oh, tu parles mieux, toi. T'es qui, espèce de macho? Moi, ah bah c'est tough, hein, mais tu parles. Eh mec, t'as couché avec toute une famille, tu viens nous parler de macho, t'es gentil, mais. C'est clair. Bon, enfin bref, le fait est que bon, j'ai sorti les deux. D'accord, bon, mais qu'est-ce que t'appelles sorti? Est-ce que tu as montré le loup ou est-ce que tu as juste mis ta langue? Elles sont allées voir le loup. D'accord. Ah bah voilà. Donc tu les as déglingués. On est d'accord. Non, j'aurais cassé les pattes de derrière. Voilà, bah voilà, c'est vachement plus romantique comme voilà, ça. Voilà, un petit peu de romance dans cette radio. Exactement. Bon, continue. Donc dans la continuité de la soirée, la première, donc Patricia m'a invité chez elle, puisqu'elle vit toute seule. Ouais. Donc aucun problème, j'y suis allé. Voilà. Mais, bref, le lendemain... Tu lui as fait crier ton nom. Voilà, le lendemain, elle me dit, on va aller manger chez ma mère, pas de souci. Oh non, je suis sa mère. Surprise, quand j'arrive chez sa mère, merde, il y avait la deuxième, donc Carole. Oh merde. Forcément, il fallait que ça arrive. Là, hop, plan 3 sur la table de salon. Ouais. Non, du tout. Je suis resté tranquille, assez bon, discret. Et puis, à un moment donné, c'est la maman qui s'est mise à me rentrer dedans. Quoi ? Elle s'est mis des doigts. Tu tapes la première meuf. Bon, c'est la première meuf. Ensuite, tu dragues la deuxième qui s'avère être la sœur de la première. Tu vas donc bouffer à la maison et là t'as la mère qui te fait du rentre-dedans. Et je me suis envoyé la mère. Non, quel enculé. Promis, juré, craché. Non, pas enculé. Tu t'es envoyé la mère où ? Ben, chez elle. Ah ouais, direct, comme ça, t'as sans. Ah ben attends, je suis invité, je visite. Et les deux filles, elles étaient où ? Ah ben elles étaient parties faire quelques courses pour le repas du midi. Ah oui, du midi, pardon. C'est un truc de ouf ça. Et toi, tu leur préparais la table pour faire à manger ? Voilà. Mais voilà, voilà. Donc comme la grand-mère, c'est grave. Là. La mère m'a fait du rentre dedans. Donc ben, écoute, y être pour y être, autant partager. Hein. Bah oui, ça reste dans la famille. Hein. Mais ouais. Voilà, c'est ça, ça reste dans la famille, on reste tranquille comme ça au moins. Et il n'y a pas le père dans l'histoire au milieu là, non? Non, le père il est plus là, malheureusement. Ah, il est plus là, d'accord, bah, bref, heureusement pour toi. Paix à son âme. Bien évidemment, évidemment. Mais là-dessus, ben, après il a fallu que je m'enfuis, quoi. Bah, sans déconner. T'as dû déménager de pays, tout ça, non? Non, mais ils ont pas mon adresse, c'est déjà un gros avantage. Ah oui, c'est clair, mais par contre, le jour où tu vas les croiser chez Carrefour, Le problème, c'est dans cette boîte là-bas, je suis grillé, quoi, maintenant. Ah oui, là, il va plus falloir y aller, hein, je te confirme, effectivement, oui. Mais c'était la première fois que c'est arrivé un truc comme ça? Non, ça fait deux fois déjà. Ah ouais, putain, non, tu les collectionnes. Hein. Et dites-nous, tiens, si ça vous est déjà arrivé, justement, de sortir avec une meuf et puis après de sortir avec la sœur, mais sans le savoir, évidemment, ou avec la mère même. Ou même pareil, si vous êtes une fille, vous êtes sortie avec un mec, puis vous êtes tapé le frère sans le savoir, ou même en le sachant d'ailleurs. Appelez-nous, tiens, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler ce soir, là, jusqu'à 2h du mat. Bon, bah, très bien, Pascal, merci pour la petite histoire. Hein. Ah ben c'est sympa, hein. Avec plaisir, bah ouais, plutôt, ouais, surtout toi. Hein. Écoute, quand tu viens sur Perpignan, tu m'appelles, je te avec ferai plaisir. Un coup. Sans problème, on ira dans la même boîte, tiens, t'inquiète. Un coup avec la mère. Allez, bien sûr, ça roule. Merci marche, à toi. Y a pas de problème. À bientôt, Pascal. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao à toi, bye bye. Il y a Siam aussi qu'on va prendre dans quelques minutes, là. Salut, Siam. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Je prononce bien ton prénom? C'est Siam. Ah, c'est Siam, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, bah voilà, Siem, comme ça moi je le sais. 19 ans, t'appelles de Rouen, Siem, et on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Bah en fait, je kiffe un mec et j'arrive pas à l'avoir, et j'aimerais que vous m'aidez. Ah, bah évidemment, on est là pour ça, t'inquiète pas, on va trouver un problème, on va trouver une solution, on va te mettre encore plus dans la merde. On va trouver une solution à ton problème. Ne bouge pas de là, Siem, reste avec nous, on va encore faire des appels avec Tov dans quelques minutes, oui. Et puis on va s'écouter le son de Muttonheads maintenant sur Fun Radio, Dancing with the Stars. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël Delimit. Le son de Muttonheads, Dancing with the Stars sur Fun Radio. Je vous boucle dans quelques minutes le son d'Avicii. Hey bro. Voilà, hey brother, dans quelques minutes, il y aura aussi Asie. Avec Born Again. C'est un grand continent. Ouais, et puis Asie, bah oui. Et puis Drake. Ça me donne envie d'aimer ça. Est-ce que quelqu'un veut que les hommes? Non. Oui, je suis l'Apollo. C'était non, voilà. Je t'emmerde. Ouais, tu voulais. C'est une fille. Stéphane est une fille. Ouais. Mais y a pas de problème, c'est bien connu. Toutes les meufs s'appellent Stéphane. Et y a pas de mal. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas grave. Parce qu'à Starflor, Paulo a rencontré une fille qui s'appelle Stéphane. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Mais c'est une fille. Et c'est beau que Paulo ait trouvé l'amour. Mais bien sûr, mais c'est beau, non, c'est magnifique. Attendez, calmons-nous, il n'a pas trouvé l'amour, mais. C'est il est splendide, trop fac sa couleur mais de peau est changée. Si. Regarde, il est tout souriant, il est beau. Il est devenu beau gosse maintenant. Mais oui. Hein, alors qu'avant c'était une merde. Tu sens que l'amour est là, Cupidon l'a frappé. Voilà, c'est ça, Cupidon est arrivé avec son arc et clac. Il lui a mis dans la gueule. Dans le pétapolo. Et que c'est pas grave que ce soit un mec, hein. Moi c'est ça me pose fille, aucun problème. Je suis pas du tout homophobe, tu ne vas pas être viré pour autant, ça ne me dérange pas du tout. Non, vraiment. Non, au contraire, on est vraiment content pour toi que tu aies trouvé l'amour. Non, je m'en fous, mais vraiment, c'est bien. Le pire, c'est que vous l'avez vu, vous savez que c'est une fille. Ah, mais très très belle. Hein. Ah oui, ouais, mais c'est très bien. Je veux dire, de là où elle vient, très bien. Non, vraiment, je suis le premier surpris. C'est pas d'où elle vient en même temps. Heureusement qu'elle n'écoute pas, parce que là, si j'avais une chance, j'ai tout perdu. Il y a Alexou qui dit j'ai pas encore eu mon message de bienvenue VIP. Oh bah dis donc, maintenant, ils veulent des messages de bienvenue VIP, carrément. Bon, alors, attends une seconde. Alors. Où est-ce qu'il est les messages VIP? Voilà, celui-là, tu as dit, t'es pas mal. Ça va me faire péter les plans, là. On va toi faire enculer, toi. Et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant. Vous commencez à me bander, là. Voilà, à tous faire enculer, vous commencez à bander. Et bien, lui aussi, hein. Alexou également, qui dit, j'ai pas encore eu mon Mike, message de est-ce bienvenue. Est-ce que tu peux me faire un kiff? J'ai jamais demandé. Est-ce que je peux avoir gros bâtard dans ma gueule? Gros bâtard. Gros bâtard dans ta gueule, ouais. Gros bâtard, enculé, gros bâtard. Voilà. Et Alexou qui dit, moi non plus, j'ai pas eu mon message de bienvenue. Demain, t'as merci quand même, faut qu'on a baisé. Voilà, t'as qu'à demander ça, tiens. Et puis, Alexou qui dit, Dancing with the Star, j'adore le son de Muttonheads. Bah, merde de rien, Alexou avec plaisir. Et Stéphanie qui dit, très t'étoffe de macho, alors qu'on sait tous que c'est un grand romantique. Bah, merci. Il est vrai qu'à un moment, faut pas se foutent de notre gueule. Et le prince Nadia, ce serait bien que prochainement Mickaël offre à nouveau des hugs. Je pense que toutes les filles seront d'accord. Oui, j'ai peut-être mieux bientôt. Je vous en dis pas plus, mais je vous en dis pas plus. Mystique également qui dit oh, suce ton père, va chien, là. Super classe le mec, on est d'accord. Et puis je vous ai dit qu'on offrirait les bons d'achat 500 euros de un chèque de 500 euros, voilà, qu'on va vous offrir. Vous allez acheter ce que vous voulez avec ça. Il y a un mec qui dit oh, moi une PS4 direct. Oui, bah vous pouvez aussi, hein. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Bon, on va récupérer Siam qui est là. Hop là, Siam, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. Bon, alors Siam, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Quel était ton problème? Allez. Tu nous avais appelé parce que t'étais en kiff sur un mec que tu pouvais pas avoir et évidemment c'est celui-là que tu veux. Ouais, c'est toujours comme ça. En fait, ça fait un an que je suis dessus. Non, mais lâche l'affaire un moment, là. T'es où? Sur sa tête? Mais non, c'est pas possible. Sur ses côtes. En fait, j'ai déjà été, mais c'est pas possible. De quoi? Comment ça, t'as déjà été, mais c'est pas possible? J'ai essayé de lâcher l'affaire, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Il y a un moment, faut y aller, mec. Fille, pardon. Meuf. Il faut abandonner. Ouais, hein. Ah, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment, passe à autre chose. Ah non, je sais pas. Si. Bah, il faudra de toute façon, hein, c'est-à-dire que tu vas pas attendre toute ta vie. Et t'as pas pris de douche depuis un an. Tu tentes pas de me rassurer, hein. Bah non, mais bon, autant être franc un moment, tu vois. Bah, oui. Non, mais bon, allez, sérieusement, quel est le problème? Il veut pas de toi? Non, en fait, j'ai rencontré dans mon ancienne lycée de femme. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je lui dis que je l'aime et tout, mais il me dit que c'est pas un mec bien, qui aime faire du mal, qui boit tout le temps. C'est t'enfumes pour dire casse-toi. Ouais, mais ça, oui. C'est vraiment une enfume pour ça. C'est-à-dire que quand t'as une fille qui est en kiff sur toi. Attends, quand t'as une fille qui est en kiff sur toi et que tu lui dis. Ou alors tu es avec elle et merde. Tu la quittes. Mais genre écoute, non, il faut qu'on arrête parce que je te mérite pas, t'es trop bien pour moi. Moi, tu vois, je vais t'amener que des ennuis, etc. etc. Sur pas moi, parce que un an. Ça n'existe pas. Non, parce qu'en fait, la dernière fois, je me suis traité avec lui et tout ça. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, je me sens pas bien, faut que je te parle, je suis pas bien sans toi. Enfin, ouais, t'es la bonne copine. T'es la bonne copine. Ouais, mais j'ai pas envie d'être sa bonne copine. Ah oui, mais là, c'est trop tard à un moment. Hein. Ah bah oui. Elle a envie de bien se faire piner. Mais tu lui as dit, toi, que tu voulais plus. Bah oui, je sais pas. Bah voilà, donc il est au courant, donc voilà, si derrière il enchaîne pas. La dernière fois, j'étais là devant son lycée. Ouais, mais regarde, dans le Seigneur des Anneaux, les elfes. Et bah les elfes se mélangent pas avec les nains. Il est con, ça devrait dire. Mais, non, mais écoute, tu sais, il y a un truc clair, ça marche comme chez les filles. Il y a un moment. Quand on sait clairement, ouvertement que c'est open, eh ben t'as plus envie. Ah bah pas moi. Alors là, moi quand c'est open, j'y rentre. Hein. Non mais moi aussi pareil. Ah c'est plutôt deux fois qu'une. Hein. Ah mec, et j'y vais. J'ai une ouverture, j'y vais à fond de balle. Parce que vous êtes affamé. Je mets mon casque, je mets mon blouson et j'y vais. Hein. Mais moi, non mais c'est pas ça. Mais tu vois, ce qui est bien dans une nouvelle relation, c'est toujours le fait. Tu sais que t'essayes de séduire, tu tournes autour, t'es ta tante, tu reviens, c'est tu repars. Chiant, non, moi, le meilleur moyen dans la relation, moi, c'est la pénétration. Hein. Oh, putain, non, mais c'est vrai, Mike. Putain. La pénétration dans l'appartement, il parle. Ouais. Moi, le meilleur moment, c'est avant qu'elle change d'avis. Ouais. Oui, mais c'est parce que. Ouais, bon, allez, d'accord. Non, mais on est des. Nous, attends, c'est, on est mais parce on est, que vous êtes des trous du cul. Ouais, voilà, mais regarde, c'est pas bien ce qu'il fait le mec. Parce que. C'est pas bien ce qu'il lui fait le mec parce qu'il lui dit non, en gros il lui dit non. Et après, il et joue, après oui. Quand elle s'éloigne un peu, il lui dit, donc le mec ne sait pas ce qu'il veut, tu vois, c'est comme les nanas, c'est pareil les mecs. Il joue au yo-yo. Comme la dernière fois, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, moi, j'ai envie de me texter, il m'a dit, ok, on essaye. Et genre, après il m'a dit, ouais, en fait, je sais pas trop. Et la dernière fois, j'étais le voir et tout, j'ai fait un câlin et genre, il m'a dit, ouais, après, j'ai plus eu de message. Il t'a dit quoi? T'as eu plus de nouvelles, hein? Ouais, j'ai envoyé que des messages, ils me répondaient plus. Bah écoute, tu sais moi ce que je ferais à ta place, hein, c'est que j'enverrais plus de messages, je donnerais plus de nouvelles, juste pour voir après combien de temps il va revenir et qu'est-ce qu'il va dire. Mais elle va pas tenir, Siam. C'est clair qu'il va revenir, mais ça va faire la routine, quoi. Il va me dire tout le temps la même chose, ouais, je me sens pas bien sans toi, faut que je te parle. Ah bah t'as qu'à lui dire, tu dis, écoute, moi j'ai pas envie d'être ton ami, j'ai envie d'être ta meuf. Voilà. Donc c'est à prendre ou à laisser. Gros bâtard. Non mais ça, je lui dis tout le temps, et il me dit, ouais, mais Siam, c'est très bien que c'est pas possible. Bah oui, mais c'est normal, mais pourquoi il dit que c'est pas possible? Je sais pas. Mais demande-lui. Mais parce que là, limite, t'es devenu sa petite chouchoute. Je lui demande, il me dit qu'il a pas envie de me tromper, et il sait qu'il va le faire, tout ça. On dirait tof. Attends, ça veut dire qu'il te dit qu'il ne veut pas sortir avec toi parce qu'il n'a pas envie de te faire de mal, parce qu'il sait pertinemment qu'il va te tromper. Oui, et ça, c'est beau. Pas mal. J'ai envie de dire quelle classe. Il m'a dit ouais, je vais te rendre malheureux. J'ai fait, moi, je préfère être malheureuse avec toi que sans toi. Faut jamais lui dire ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le truc le plus grand mytho que toutes les meufs te racontent. Bah ouais. Et ça, en c'est... plus, là, tu lui fais entendre que tu serais prête à tout pour lui. C'est pas bien ça. Il faut pas trop donner. Temps mort, Tof, t'as une anecdote là-dessus parce que je t'ai vu. Tof, il a bugué. Il a fait. Genre il a levé les yeux. Ouais, comme si c'était lui arrivé. Tu sais, mon dieu. Non, ça m'est pas arrivé personnellement. C'est arrivé à une copine que je connaissais bien et son mec, il l'a trompé genre 200 fois. C'est-à-dire que ça aurait pu être moi. Ouais. Mais du coup, elle m'a dit non, on peut pas sortir ensemble, tu comprends, on se connaît trop, machin. Donc elle est sortie avec un autre mec. Et en fait c'était pareil, donc au final pour avoir le même résultat elle aurait pu sortir avec moi, j'aurais gagné. Et donc en fait ouais son truc c'est ouais non mais tu comprends je l'aime et je préfère être malheureuse avec lui. Non, c'est horrible. Putain, n'importe quoi. Bon alors ce qu'on va faire, les filles, appelez-nous si vous avez des conseils à filer à Siem. Est-ce que vous êtes déjà tombé dans ce cas de figure, hein, vous êtes tombé amoureux d'une amoureuse d'un mec et bon bah voilà, comment ça s'est passé, est-ce qu'il vous a rejeté, est-ce que comme Siem il vous a dit ouais mais non mais enfin bon bref il vous a mitonné, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Siem, tu restes avec nous? Oui. On va prendre Laetitia également de Corbeil-Essonne dans le 91. Salut Laetitia. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi Laetitia. Il y a Bertrand également de Dijon. Salut Bertrand. Ouais, salut tout le monde. Ça va? Salut. Ça roule. Tant mieux. Bon, alors on va parler de Pascal là, qui nous avait appelé parce qu'il s'était tapé sa sœur. Pas sa sœur, je dis de la merde. Il s'est tapé une meuf. La meuf, bah il l'a viré, il s'est tapé la sœur de la meuf mais sans le savoir et après il s'est tapé la mère des deux meufs mais en le sachant, en revanche. Hein. Donc c'est un peu ce qui vous est arrivé Laetitia et Bertrand ou pas? Eh ben moi je me suis tapé une nana souvent à l'hôtel et on se voyait en catimini quoi. Ouais. Et mon frère a divorcé et il était en manque et un jour il m'appelle, il me dit purée tu connais personne, je tiens plus quoi. Et j'ai dit bah si attends je te file ma copine et je l'ai appelé et lui il s'est tapé aussi en fait. Ah oui? Oui, c'est pas mal ça aussi. Et je peux avoir son numéro ou pas? Non. Bah non, parce que même moi je l'ai plus, comme lui il est passé derrière moi, en fait j'ai pas voulu l'avoir. Ah c'est dommage. Ah oui c'est con hein, c'est quand même dommage. Et toi Bertrand? Et toi Laetitia, pardon? Il y a pas de mal. Non bah moi bizarrement moi je me serais plutôt fait avoir en fait. Le gars il préfère aller voir mes sœurs après. Ah il préfère voir tes sœurs? Ah ouais. Mais comment sont tes sœurs? Il paraît qu'on se ressemble plus ou moins. Ah très bien, combien mesures-tu? Ah bah ça fait longtemps tiens. Pratiquement 1m60. Combien on est plus ou moins. Pratiquement ouais. Merde. Il doit faire je sais pas une soixantaine de kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Quel est le dernier livre que tu as lu? 90 E, ah oui quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Bonne. Elle est bonne, bonne. Qu'est-ce qu'elle est. Bah écoute, moi je veux bien faire le tour de tes sœurs avec grand plaisir. Oui, mais toi, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que les sœurs ont du goût, n'est-ce pas? Elles veulent me goûter, oui, avec plaisir. Non, elles ont du goût. Elles ont du goût, c'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas être avec toi, je pense. Hein. Bon. En fait, comme je vois ce qui est parti avec mes sœurs, à la limite, je trouve presque ça pas plus mal. Ah bon? Ouais. Ça, vas-y, je veux bien les numéros. Ouais, c'est ça. Et la chose, l'horreur. C'est clair. Je te dis, il faut après, l'ouverture, c'est juste avant qu'elle change d'avis. C'est ça. Après, j'ai envie de dire que parce que c'est bien de demander les mensurations et tout, mais c'est pas pour autant que tu trouveras la nana mignonne. Ah ouais, non, mais Tof, il est pas dans le détail. Oh là là, Tof. Ouais, c'est pas parce qu'elle est belle que c'est un canon. Vous inquiétez pas pour Tof. Hein. C'est-à-dire qu'autant moi je suis dans le détail, autant lui il s'en fout. Hein. Ouais. Lui c'est dans le gros, lui. Ouais. Exactement, lui il est pas dans le détail, vraiment. À quatre pattes dans le noir, tu fais plus la différence. Hein. C'est ça. Ouais. Oh, après, les tailles et tout de mes sœurs, c'est pas tout à fait les mêmes que les miennes non plus. Hein. Puis ça, je pourrais pas les donner exactement. Non, évidemment, très bien. Bon, et donc du coup, Laetitia? Oui. Oui, et ben c'était pour savoir si tu avais encore un truc à ajouter. Oh bah, à part que je me suis bien fait eu sur ces coups-là, non, pas vraiment. Tu m'étonnes. En fait. Tu m'étonnes. Bah, ils sont pas. En fait, disons qu'il y en a deux différents qui sont allés voir ma grande sœur et le dernier qui m'a rendu cocu avec ma petite sœur et qui s'est cassé avec. Oh l'enculé. Allô? Oui, non, mais. Ah, très bien. Non, je croyais que je croyais qu'on t'avait perdu à un moment. On dirait très bien. C'est chaud, bon. Quand même. Non, je bouge pas, donc il y a pas de risque. Non, mais ça va alors. Bertrand, t'as encore un truc à ajouter? Non, c'est bon, j'écoute. Et puis, je vais reprendre ma route, moi. Très bien. Eh ben écoute, bah bon courage à Bertrand. Merci Laetitia également, hein. Je vous fais des gros bisous. Mais de rien, c'est possible d'avoir attention un petit tout le monde. Ouais, il y a pas de problème, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, Laetitia. Je te fais des bisous. Merci. Salut à vous deux. On va prendre Théo également, il y a Barbara qui voulait réagir à Siem. T'es là Barbara? Oui, je vous écoute. Eh ben bonjour Barbara. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, dans un instant tu vas réagir par rapport à Siem, donc ne bouge pas de là. Et puis on aura aussi les appels avec Toff là, on fait ça dans quelques minutes. Bah oui, d'abord on se fait le son David Chic, on écoute maintenant avec Hey Brother, il est 1h06 sur Fun, la bonne nuit tout le monde. Hey Brother. C'était le son d'Avicii sur Fun Radio avec Hey Brother. On va jouer également dans quelques minutes. Eh oui, bah oui, comme tous les jeudis. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Alors le principe est simple, il faut que vous passiez l'antenne, vous allez vous affronter à deux. Et le but, arriver à placer un maximum de fois. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Le plus vite possible et le plus possible. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très simple. Donc vous passez, vous vous affrontez, celui qui arrive à enchaîner sans s'arrêter le plus de fois. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Et ben voilà, il gagne tout simplement un cadeau. Parce qu'on est en stock, on va voir avec Sandro dans quelques minutes. Mais si vous voulez jouer, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Hein, si vous voulez gagner, si vous voulez jouer avec le Et t'as déjà touché ta mère avec tes oreilles. Autant que j'arrive bien à le faire d'habitude, autant là je suis un peu fatigué. Oui, c'est bizarre. Oui. Ok, si bon, Mickaël. Oui, je sais, je sais. Attends, je vais essayer le. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Qu'est-ce que je suis bon quand même. Trop bien. Oh là là, quel talent, quel talent. Bon, allez, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a le Ferry qui dit la nuit tous les chats sont gris et Toff et toujours a toujours un sac Carrefour sous la main. Oui c'est vrai. Effectivement, je rappelle qu'il se balade avec le plastic bag. Hein, quand on a été à Londres, il a eu utilisé un sac plastique Carrefour. Monoprix, s'il vous plaît. Peu importe, non, c'est pas pour, pareil. Comme bagage. Ouais. Il y a dit Jérôme qui Toff serait prêt à prendre Susan Boyle au pire. Ça lui conviendrait aussi. Non alors non. Bah, arrête menteur, même Shrek tu le baises. Non c'est pas vrai. Rien à foutre, Toff. C'est pas vrai. J'ai une théorie mais. J'ai décidé de ne plus l'exprimer. Non. Vas-y, lâche-toi, Michael. Vas-y. Non, mais si, vas-y, il est énorme. Allez, d'accord. De toute façon, on sait bien que Toff est un trou du cul. Voilà. Donc tout ce que vous entendez venant de sortant de sa bouche ne peut être que des trucs idiots. Sale. Voilà. Pas du tout. Sale. Non, mais, voilà. Donc quelle est cette théorie? La théorie, c'est moche, oui, mais grosse, non. Ah. Donc plus album, c'est pas possible. Quel enfoiré. N'importe quoi. Mais quel enfoiré. Bon, il y a Mohamed qui dit aussi « Je vous kiffe la bande de branleurs ». Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Alex également qui dit « J'avoue, t'as raison pour les ouvertures. Mon ex, j'ai mis 6 mois avant de sortir avec elle. Elle voulait pas. J'ai fait semblant d'être en couple avec une amie. Et là, c'est elle qui est venue vers moi. » Bah oui, mais ça, c'est clair. Hein. Ah mais oui, mais c'est tous les vices. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Voilà, c'est le concept. Et les bûcherons, ils disent 6 mois. Non, j'ai rien dit. Ouais, il vaut mieux que tu dises rien, hein, c'est je te le confirme. Va te faire enculer, gros bâtard. Bon, il y a Alex qui dit aussi rends la jaloux. Il y a Noémie qui dit mon ex me dit exactement les mêmes choses. Il y a Julien, il y a Skinkin qui dit un an qu'il est sur le dos. Faut peut-être lâcher l'affaire un moment, hein, on est d'accord. Et le prince Nadia avec 500 euros, j'achète des crèmes en parfumerie, du maquillage à gogo et une tonne de sapes, jupe et top et au talon, le kiff. Il y a 500 euros, il n'y en a pas 5000. Hein. Non parce que je te vois t'emballer là avec tout le bordel. Reste calme hein, parce que bon c'est pas donné non plus hein, tout ce qui est parfum et tout. Donc il y a de quoi faire avec 500 euros. Mais quand même, c'est ce qu'on vous offre la semaine prochaine sur Fun Radio les dimanches soirs. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, on va récupérer Barbara qui voulait réagir par rapport à Siem. Vous êtes à toutes les deux? Oui. Très bien, alors Barbara de Toulouse qui voulait réagir à Siem. Donc qui... est en kiff sur un mec depuis un an, sauf que ben lui visiblement ça a pas l'air d'être trop le cas, ou en tout cas il ne s'en rend pas compte tout de suite, puisqu'il dit qu'il la mérite pas, qu'elle sera malheureuse avec lui, etc., etc., qu'il va la tromper, donc il a pas envie de sortir avec elle pour ça. Bon, alors Barbara, qu'est-ce que tu avais à dire et qu'est-ce que tu avais comme conseil à donner à Siem? Ben Siem, lâche pas l'affaire. Merci. C'est Barbara. Pas Siem. Merci. Je lâche pas. Non mais il y a un moment, elle a bien attendu un... Ben ouais, ben elle a bien attendu un an, elle peut attendre plus. Après le jour, il aura une déception et en même temps la confidente, la meilleure amie, pas trop non plus. Non mais elle pourra attendre toute sa vie et passer à côté de tout le monde. Mais non, même pas. Non mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois, la meilleure amie, là. Attendez, parce que là... Ben non, lâche pas l'affaire, ma fille. Oui mais ça on a compris, mais il y a Siem qui voulait dire un truc, mais elle n'a pas pu le placer. Je veux dire, c'est vrai, à chaque fois il se confie à moi, enfin, à chaque fois il me confie des trucs qu'il ne confie pas aux autres. Pourtant, enfin voilà, je sais pas. Ben, il essaie d'être sa confidente. Ouais, mais moi ça me fait trop de mal à lui parler comme ça. Bon, mais casse pas la nana, s'il est avec une nana, casse pas. Attends le jour, il aura vraiment une déception. tu essaies d'être pas meilleure amie, pas trop non plus. Après une ouais. petite un petit repas, une soirée, pas trop arrosée, pas arrosée non plus. Ouais. Après ouais, les choses viendront. Pas trop arrosée. Le problème c'est qu'à chaque fois que je te vois, il a jamais le temps. Donc je suis obligée d'aller le chercher devant son lycée pour lui parler. Alors soit il a des sentiments et qu'il a peur de toi, soit il n'est ouais, pas sûr de lui. Tu lui fais peur, bouh. Mais c'est vrai, il m'a dit qu'il avait peur de me voir aussi, mais Bah, s'il a des sentiments, mais il veut tellement, il veut garder sa fierté. Mais je vois pas qu'il pense fierté, pas. Hein. Non, moi je pense qu'il s'en fout. Et qui te fait tourner en bourrique. Mais ouais, mais arrête. Mais non, ça se trouve, elle a raison, Barbara. Ça se trouve, le mec, il a peur. Il kiffe. Peur. Mais non, tu kiffes ou tu kiffes pas. Faut arrêter. Mais quoi. Si, après, des fois, les mecs, ils font semblant. Il m'a dit qu'il était jamais sorti avec une nana. Ah, tu vois, ça se trouve, il a rep. Ah, il a peut-être peur, simplement, c'est vrai, ouais. Vas-y, ma fille, lâche pas l'affaire. Bah, y a plus peur. Attends, Barbara, il y a aussi Elodie qui est avec nous là de Corbeil-Essonne encore. Salut Elodie. Salut. Comment ça va? Bah ça va tranquille. Eh bah tant mieux, j'ai envie de te dire, sois la bienvenue Elodie. Merci. Bon. Alors, dis-moi Elodie. Alors moi j'ai vécu la même situation que Siem il y a quelques années. D'accord. Ouais. Il y a à peu près environ 4-5 ans en arrière. Ouais. Et en fait, le mec me disait qu'il n'était jamais sorti avec une nana jusqu'au jour où bah, je suis arrivée devant chez lui. Et il était avec une nana en bas de son bâtiment, en train de tricoter avec elle. D'accord. Ah oui, mais il m'a dit qu'il n'était jamais sorti avec une nana, mais que le soir, enfin voilà quoi, il y allait. Mais alors, et du coup, il m'a dit qu'il avait peur de s'attacher en fait. Bah en fait le mec il essaie juste de dire que en fait il veut pas se mettre en couple et il veut juste s'amuser pour le moment quoi. Mais ça veut rien dire. Voilà. Ça veut dire les mecs ou les meufs. Non mais j'ai peur de m'attacher. Après, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh, regarde Stéphane si elle vient me dire ouais voilà c'est on va. C'est qui Stéphane? Ah oui c'est la personne que je suis rencontrée à Starflore. C'est la fille. C'est une fille. Oui, aujourd'hui. Si elle me dit ouais voilà nanana, tu crois que je vais lui dire non mais tu comprends? Je vais dire oui tout de suite. Bah ouais, c'est ça. Il va pas rater le coach. Ah bah tiens. Tu disais Barbara. Peut-être parce que toi t'as envie de tirer un coup. Peut-être c'est un mec qui veut être sérieux et qui est perdu. Bah attends, la meuf elle vient, elle te dit si tu vas de suite. Tu sais même pas ce qu'elle veut la meuf. Pas compris Barbara. Non. Moi j'ai compris. Bah, oui. Tant mieux. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce que j'ai pas capté moi. Non, attendez. Une seule à la fois. Barbara. Est-ce que tu peux mettre le téléphone plus fort? Parce que j'ai l'impression que tu nous entends mal. Non, je vous entends très bien. Ah bon, j'avais juste envie de pas vous laisser parler. Non, mais alors d'accord. Donc qu'est-ce que tu essaies de dire, Barbara? Siam. Par rapport à ça, moi, je lui conseillerais de ne pas lâcher l'affaire. Essaye. Oui, ça, on a compris, c'est sûr. Et Elodie? Oui. Moi, je lui conseillerais. Elle peut rester amie avec si elle veut. Elle peut lui parler, mais il faut qu'elle arrête de croire. Si ça fait un an qu'elle attend, elle peut encore attendre des années avant qu'il décide, quoi. Et si elle le mettait pas plutôt vraiment. En confiance? Faut le mettre en confiance, voilà, le ouais. mec. Voilà, ouais. Ouais, mais au bout d'un an, qu'il lui dit qu'il a peur de l'avoir. Mais il a jamais eu de meuf. Justement, pourquoi il a peur de l'avoir? Siam a dit parce qu'il a jamais eu de meuf. Eh, tu vas discrètement, oui, tu prends sa biche. Est-ce qu'elle en est sûre? Est-ce qu'elle a... Ah bah voilà, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Voilà, c'est ce que t'as dit, donc tu peux pas être sûr, quoi. Parce que moi, le mec, il m'avait clairement dit, il avait pas une nana, il a le même truc que toi. Oui, mais toi, est-ce qu'il t'a dit qu'il y a une nana? Oui, mais toi, est-ce qu'il t'a dit que, genre, le soir, il sortait et il couchait avec des meufs? Moi, oui, il m'avait dit ça, que c'était que des plans cul et tout. Mais la meuf, en fait, j'ai appris, j'étais voir, j'ai embrouillé, comme d'habitude, normal. Et on m'a dit, en fait, la nana m'a dit, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. D'accord. Et Siam, toi, il t'a dit qu'il voulait s'amuser aussi ou pas? Bah oui, moi il m'a dit qu'il... On a perdu les mecs, hein, je vous le dis tout de suite. Non, mais moi je suis là, mais c'est parce qu'il y a l'auditeur qui a fait une vanne à la con, là. Mais en fait, et du coup, Polo, il meurt de rire. Moi en fait, je comprends pas parce que des fois, il me dit qu'il a bien envie d'essayer avec moi, et des fois, il me dit, ouais, mais Siam, je suis pas bien pour toi. Donc, je sais pas, en fait. Parce qu'il a des sentiments et qu'il a peur. Voilà, à mon avis, c'est une flippette. Ouais, mais de là à dire que je suis pas un mec bien pour toi, il est... Non, il fait tout pour l'éloigner, là. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce que ce serait possible que vous essayiez de l'appeler? Ah bien sûr, avec plaisir. Plaisir. Évidemment, plutôt deux fois qu'une. Oh, merci, Fon. Bah écoute, nous aussi on peut rendre service, c'est toujours avec grand plaisir, tu sais. On l'appelle et on lui passe Barbara. Exactement, oui. Bah oui, oui. Pourquoi pas. Non, mais on va l'appeler, Et après, tu lui files Elodie. Exactement, ouais. Non, mais on va l'appeler, y a pas de problème. Bon, bah, Barbara, Elodie, bougez pas de là. Siem, on va l'appeler dans quelques minutes, tu restes là. Ok. Très bien, ne bouge pas Siem. Et puis avant de se faire le son de Drake, j'avais envie de me faire un petit kiff. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, mais on va d'abord faire les appels avec Toff. Un petit appel avec Toff. Et juste après, ça va être un petit kiff. Un vieux son qu'on n'a plus entendu depuis longtemps. Et en plus, je vous mets la version longue. On va être au top. Ah bon. Oh, vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Tu veux une petite eau à la bouche? Ouais. Ah ouais. Voilà, là on est d'accord. Pas mal. Ouais, on est bon là. D'accord. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça va arriver. Ah, ça va me faire c'est de la musique turque ça. Pas du tout. Bon, on fait un appel, Toff, donc, puisqu'on se demandait si les gens se masturbaient, combien de fois ils se masturbaient en gros. Hein. C'est ça. Et bien. Voilà, et ben c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir à quand remonter la dernière fois où vous êtes masturbé. Je t'emmerde. C'est pas la question, monsieur. On rappelle. Mérite d'être clair. Hein. Oui, excusez-moi monsieur, on a été coupé, vous n'avez pas eu le temps de répondre à la question. Je t'emmerde. Oui, mais ça n'a pas de rapport, monsieur, avec la question. Bon, on rappelle encore une fois, puisque malheureusement, j'ai l'impression que cette conversation est à cul-de-sac. On a du mal à communiquer, j'ai l'impression. Ouais, mais le mec, il est énorme. On rappelle. Oui, monsieur, je comprends pas votre réponse. Qu'est-ce que tu veux, connard? Ben, en fait, je veux savoir quand est-ce que vous êtes masturbé pour la dernière fois. Ça te regarde pas, imbécile. Ben, c'est pas la question, monsieur, je vous demande juste quand c'était. Tu vas me foutre la paix. Mais oui, vous répondez à la question, moi je vous laisse tranquille, monsieur. Tu me donnes ton numéro, je vais te casser la gueule. Bah, si vous voulez, monsieur, mais je suis un peu loin. Ouais, t'es un peu loin, c'est ça que t'en profites, hein, connard. Mais pas du tout, monsieur, je vous pose juste... Mais si, viens. Non, mais je... Rapproche-toi. Mais je veux bien me rapprocher, monsieur, mais je... Allô? Ah merde, il y a à nouveau raccroché. Attends, on va le rappeler encore un coup. Attends. Encore un petit fou, une petite fois, là. Oui, je m'excuse monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous êtes aussi désagréable. Oh merde, il a nouveau raccroché. Oh putain, j'adore. Je suis déçu là. Oh, je suis fan de nous. Ah ouais, je suis plus déçu là encore. Oh putain, dommage. Bon, c'est pas grave. On va appeler le mec de Siem. Enfin, le mec, je m'emballe un peu. Hein. Le pote. Le pote, voilà, l'ami de Siem. Et puis en attendant, eh ben, on va se faire un petit plaisir, en tout cas le mien. Le son de Justin Timberlake qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Version longue, attention. Il y a tout dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas coupé. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Vous allez voir, c'est hyper bien placé. Justin Timberlake maintenant sur Fun Radio. What goes around. Bonne nuit tout le monde et nos cœurs de la nuit sans pub. 1h22 sur Fun. Ah, quel kiff! Justin Timberlake, version longue évidemment avec What Goes Around sur Fun Radio. Bah, je sais pas si vous avez kiffé, mais en tout cas, moi, oui. Voilà, donc si vous avez des petits coups de gueule à passer au niveau du son, là, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez en écouter d'autres, n'hésitez pas non plus. Le Prince Nadia qui dit merci, Mickaël, kiff musical avec Justin. Il y a Roxane qui dit merci à l'équipe pour cette soirée trop bon, vous êtes des intenables. Merci pour la petite musique, avec plaisir. Daoud Ouida aussi, merci pour ce son, j'adore. Cry Me a River également. Ah bon, on le mettra aussi à l'occasion, le Cry Me a River. C'est vrai qu'il était pas mal. Elle tape celle-là de Justin, c'est Nicolas et Jenny qui dit un pur kiff ce son, j'adore, t'as Jerry Mickaël. Bah oui, ça change comme ça d'habitude là, c'est vrai. Hein. Mais rassurez-vous, hein, dans un instant on mettra aussi le son de Drake, histoire de rester toujours dans un mode à la cool. Lover, ouais. Voilà, Drake avec Hold On, We're Going. Et puis on aura aussi bien sûr le son d'Asie. Asie avec Born Again. Bon, allez, plein de messages aussi, ça fait plaisir, un vieux son. C'est Cyriel et Ariel également qui dit il s'est cru. Oh, je t'emmerde pour l'instant, on en comptabilise deux. Et leur DJ Gizmo aussi qui dit c'est compliqué tout ça. Et si chacun partait de son côté pour aller voir ailleurs, tout le monde serait peut-être content. Bah écoute, c'est une idée en effet, c'est une idée. Bon, allez, Romain dans quelques minutes. Et Siem, toujours là? Oui, toujours là. Bon, avant d'appeler, il y avait Barbara et Elodie qui avaient donné leur avis également. Mais on a également Marion avec nous de Saumur. Salut Marion. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Ça va bien, vous? Bah oui, très bien Marion, sois la bienvenue. Tu voulais réagir à Siem, toi? Alors, est-ce que t'as vécu la même chose? Est-ce que t'as un truc à dire, en particulier avant qu'on appelle le mec? Non, j'ai pas forcément vécu la même chose. Mais par contre, je pense que si jamais elle le baille, elle le calcule plus. Elle va voir ailleurs, elle fait sa vie. il y a deux possibilités. Soit le gars, il te regarde pas, dans ce cas-là, t'as rien perdu, t'as bien fait d'aller voir ailleurs. Ouais. Ouais. Ou soit alors tu vas développer son instinct animal, c'est-à-dire que il va avoir perdu animal. La seule personne qui l'idéalise et voilà. Il va venir. Écoute, pour répondre à ta question, j'ai essayé, je sortais avec un mec pendant 6 mois. Ouais. Et ça a rien changé. Bah je pense qu'alors je pense que Marion a tout dit alors, hein, t'as rien perdu, merci au revoir. Hein. Non mais franchement. C'est vrai qu'il me disait je comprends pas, t'es lunatique et tout ça, mais ça changeait pas. Mais en fait, il y a des fois ça prend, il y a des fois ça prend pas. Et tu sais, ça peut. Tu sais, toi aussi, des fois, ça t'est peut-être arrivé qu'il y ait des garçons qui te courent après ou quoi, ok, c'est que toi, t'en es. Ouais, voilà, t'es rien senti, que t'en veuilles pas. Bah, ça s'est peut-être passé pour lui. Pareil, quoi. C'est éclaté. Comment ? Les mecs qui me courent après sont tous éclatés. Comment ça, ils sont tous éclatés ? Ils sont trollés. Ah, bah oui, mais ça, après, écoute, on récolte ce qu'on sème, hein. Et je sais quoi tu parles. Non mais c'est pour rire. Pourtant je comprends pas, je suis jolie. Bah oui mais bon écoute Siem, ouais, peut-être que tu te la ramènes un peu aussi Siem, non? Ah non pas du tout, mais il a peut-être juste pas envie quoi. Bah c'est possible. C'est pas grave mais... C'est possible. Lui, il a peut-être pas envie. On va quand même prendre l'avis d'un mec qui est avec nous, Anthony, avant d'appeler ton mec, juste, enfin ton ami hein, Siem. Okay. Salut Anthony de Tours. Salut. Salut. Comment ça va? Bah ça va bien. Et bon, est-ce que tu peux enlever le kit main libre? Ouais, attends, bouge pas, pas de problème. Voilà, nickel. Voilà. Voilà, puisque je rappelle que Sandro leur dit à chaque fois hors antenne, pas de kit main libre, ouais, pas c'est de bon. Parleur. Voilà, et donc, à chaque fois c'est l'enfant, il me dit ouais, t'inquiète, et pendant qu'ils sont dans le standard à attendre, hop, ils replugent le truc et c'est parti. Bon, alors, bienvenue Anthony, tu voulais réagir à Siem, toi, qu'est-ce que t'as à dire? Ouais voilà, bah moi il m'est arrivé un petit peu la même chose, sauf que moi c'est une fille qui me faisait tourner un peu bourrique justement. Qui te faisait tourner bourrique. Vous êtes un... Ouais, c'est une vieille expression. Hein. Tu disais? Allô? Oui, oui non, excuse-moi. Oui donc en fait j'ai connu donc une fille il y a quelques années, donc je devais avoir 15-16 ans et du coup j'étais quand même assez fou de cette fille et elle m'avait bien fait comprendre que justement un petit peu comme le gars lui a sorti qu'elle voulait pas me faire souffrir, qu'elle se voyait, enfin que je la méritais pas, ne me méritait pas en fait, voilà. D'accord. Et du coup, à côté de ça, un peu plus tard, j'ai appris qu'elle sortait avec un de mes cousins justement et qui était pas non plus, qui était pas vraiment un cadeau. Et par la suite, donc, elle est sortie avec un pote à moi, enfin un de mes bons potes et ainsi de suite, un deuxième, un troisième et. Et j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle décide finalement de me choisir moi, parce que je lui avais fait comprendre avec moi que ça n'aurait pas été comme avec les autres, puisque les autres l'ont un petit peu pris pour un Kleenex. Donc une fois la chose faite, basta quoi. C'était, d'accord. C'était une fois qu'il avait baisé, après il se barrait quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc moi, comme un con, j'attendais. J'ai attendu, peut-être pas grand-maman quand même, qu'elle décide. Et puis moi, à côté de ça, à chaque fois qu'il y avait une fille qui s'intéressait à moi, j'étais omnibulé par cette masse-là. Et forcément, je suis passé à côté de beaucoup de choses, en fait. Et du coup, tu l'as jamais eu, la meuf? Non, je l'ai jamais eu. En plus, tu vois, tout ce temps perdu, là, un Siem. C'est vrai. Tout ça pour rien. Tout ça pour que dalle. Alors, c'est le plus rageant, c'est quand tu la vois se taper... quasiment tout ton entourage, on va dire ça comme ça. C'est ça. Sauf toi. Ouais, c'est clair, mais ça fait mal. Mais bon, moi je sais que d'un côté ma cousine elle me fera assez mal. Calme-toi. Siem là, y a pas de train à prendre là. Elle en fait, elle va savoir ce soir peut-être. Trop de Red Bull. Bah oui, c'est ça. Du calme, Siem. Ça donne des ailes. Tu disais? Excusez-moi. En tout cas, c'est sûr que ma cousine elle me fera jamais un coup pareil. Il faut jamais dire jamais, Siem. Jamais dire jamais, Siem. Ça, j'en suis sûr. Oui, c'est ça. Jamais dire jamais. Moi, mais en amour, enfin, c'est pas une question d'amour ou quoi. C'est de ce côté-là, des fois, faut se méfier, hein, parce que souvent, la famille n'existe plus, les copains n'existent plus, c'est chacun pour soi. Moi, ma cousine, elle existe toujours. On est toujours H24 ensemble. Moi, mon cousin, c'était pareil. Hein, on était toujours fourrés ensemble. Les cul d'argent qui mène le monde. Les hobbits sont tous ensemble et pourtant ils se trahissent à la fin. Et Marion avait bien raison. C'est le cul et l'oseille qui dominent le monde. Exactement. Eh, plus oui. l'oseille que le cul d'ailleurs. Oui, plus l'oseille que le cul, effectivement, oui. Bon, alors, avant d'appeler le mec, on a encore Benoît qui voulait donner son avis, qui vient d'arriver. Salut Benoît. Salut. Comment ça va? Eh ben nickel, et vous? Eh ben tranquille Benoît, bientôt. Je suis déjà, je suis trop content d'être là quoi. Eh ben écoute, tant mieux, on est content de t'avoir aussi Benoît, sois le bienvenu. Tu voulais aussi réagir à Siem toi? Oui, je voulais réagir par rapport à Siem parce que tout le monde parle, mais est-ce que vous avez pensé, Siem, est-ce que t'as pensé des fois, c'est, il serait peut-être bien gay, non? Il s'est jamais tapé une mauvaise. C'est vrai, on n'y a pas pensé, ouais. Peut-être qu'il est gay et qu'il veut pas te vexer. Ah non, j'ai déjà demandé qu'est-ce que t'as fait. Oui, mais il va pas te dire oui, il va pas te dire oui, je suis gay, attends, peut-être qu'il a pas envie de faire son coming out, hein. Tout le monde n'a pas le courage de Polo, voilà, de le dire publiquement. Oui, je vous emmerde, je ne suis pas homosexuel là. Bon, Siem, quel âge il a lui? Il a 19 ans. 19 ou 19, je sais même plus. Ah, tu connais même pas son âge, c'est parfait. Bon, donc 18. Entre 18 et 19. Bon, bah, entre 18 et 19, oui, peut-être qu'il a pas envie de le dire, hein, peut-être qu'il est même pas encore sûr lui-même. Ben voilà, il sait peut-être pas trop où il en est, et puis il ose pas trop te le dire non plus, mais si déjà il se confie à toi, moi je dis que c'est des bons signes déjà. Ah ouais. Ouais. Parce qu'un hétéro qui se confie à une gonzesse, c'est très rare. Ouais. C'est vrai. Et puis, t'es quand même, depuis j'entends tout à l'heure, là, t'es quand même porte ouverte, donc s'il avait envie, il aurait déjà écarté. Mais c'est bizarre. Parce qu'il a même pas, il a même pas envie de me faire du câlin, rien du tout. Il y a pas de péage. Ah non, mais laisse tomber, je pense qu'effectivement, Benoît a raison, il est gay, hein. Non, en même temps, Toff n'a pas demandé à Siem comment elle était, je crois pas, j'ai pas entendu combien mesurer. Alors, non, c'est vrai, il a pas demandé, non, Siem, combien mesures-tu? Alors, j'ai fait 1m60. En tous les cas, j'ai les yeux verts, je suis brune. D'accord, mais combien tu pèses? Hey, Gollum aussi, il a les yeux verts, il est brune, hein. Ouais. Donc combien pèses-tu? 50 kilos environ. Quel est ton tour de poitrine? Ah non, je l'ai dit, c'est mort. Allez, vas-y, bah c'est oui, pas mais... mort, vas-y. Mais c'est entre nous, le Siem, là. Bah quoi, c'est du ah. Imaginez, il y a ma famille qui m'écoute, tout ça, non c'est mort. Tu sais qu'en même temps, si ta famille, si ta mère elle lave ton soutien-gorge ou si ta cousine tu vas acheter avec elle, ils sont savent. Hein. Je pense que ton père et mon père, il dort parce qu'il taffe demain. Ah, il y a 1h40 du mat, il va écouter la radio pour les jeunes, ton père. Ouais. Non mais ouais, mais c'est vrai, t'as raison en plus. Moi, c'est vrai, je suis con, ouais. Il se tape des barres de rire avec ses potes. Ouais. J'aime bien la meuf qui se la raconte et puis là, non moi je vous dis pas. Non mais surtout en détail parce que dans l'absolu si elle, après tu le dis pas si tu veux pas, c'est pas un problème. Parce que dans l'absolu, t'aurais dit, tu dis 80C, 80B, 85D, tout le monde s'en branle. Parce qu'il y a que toi ça excite hein, tout seul, qui est en train de se masturber non, tout mais seul. Si c'est un mais scientifique dire, mais dans l'idée si elle, ça change rien, hein. C'est comme si on dit à un mec, elle mesure combien ta bite? Bah 15 cm ou 20 cm, ouais. Ah ok d'accord. Bah. Ouais d'ailleurs moi je vous ai pas demandé à mesure combien la vôtre. 50 bah, pour si moi, veux, voilà. 50 cm. 5 la mienne. Voilà. Moi j'ai toujours dit que j'étais monté comme un nouveau-né. 53 cm, 4,5. Oui c'est pas mal Benoît, c'est pas mal. Bon Siem, on va appeler ton mec comme ça tu te prends une tôle une bonne fois pour toutes. Ok ça marche. Bon allez. Mais après commence pas à analyser ses paroles. Ouais mais il a dit si pour ça, pour ouais, ça ouais, non, hein. Non. Là il y a du monde qui va pouvoir te voilà. Qui ont du recul et d'accord. Qui vont pouvoir t'aider. Bon je l'appelle ou d'accord. Tu l'appelles? T'as pas compris toi? Non. Si mais c'est bizarre que ça vienne de toi Sandro. Oui c'est vrai. Bon Siem, je l'appelle ou tu l'appelles? Bah vous l'appelez. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que je parle ou tu parles? Tu parles. D'accord, ah c'est moi qui parle, très bien. Comment il s'appelle? Robin, d'accord, ok, très bien. Bon, je vais quand même mettre la musique de Robin des Bois, on sait jamais, ça peut servir. N'oublie jamais que dans Le Seigneur des Anneaux, les elfes ne se mélangent pas avec les hommes. C'est vrai. C'est la musique de Robin des Bois. Mais vous avez vraiment cru que le mec à 1h40, il allait décrocher? Ah oui. Un numéro privé? Oui. Oui, mais ça peut être démasqué. C'est ah vrai. Ouais. Puis ça se trouve il est branché directement avec la gendarmerie. Ah merde, c'est le répondeur. Ah Siem. C'est le répondeur de Robin. D'accord, pas grave. Bah non, bah si tu veux on peut l'appeler dimanche. Ouais, dimanche ce sera mieux. Dimanche on est là de 20h à minuit, c'est plus tôt déjà, ça sera peut-être plus simple de la voir. Ok, ok, pas de soucis. Bah voilà, parce que comme ça au moins il pourra dire en étant réveillé, complètement réveillé, qu'il est gay, voilà, ça arrive. Hein? Au pire, je peux donner un coup de main, moi je suis gay, hein, donc s'il y a besoin d'un coup de main... Ah ben voilà, oui, bah, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de problème. Ça te connaît le coup de main? Il n'y a pas de... oui, pas que ça. Il n'y a pas que le coup de main, non. Merci Benoît, qui en tout cas. Qui c'est qui a dit ça? C'est Toff? Bah, oui. Bah, oui, bien sûr, évidemment. Pas tout le même soir, évidemment. Benoît. Pas tout le même oui, soir. Évidemment. Bon, ben Barbara, Anthony, Elodie et Marion, merci à vous les filles d'avoir donné votre coup de main. Pareil pour Anthony, même si c'est bah, pas les filles. Les filles, mais ouais, on se comprend, Anthony. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y Barbara. Au fait, ça dépend aussi de l'âge, parce que le mien, je l'ai connu comme ça. Il ne voulait pas trop me faire du mal. Bon, en même temps, il avait 35 et moi 25. Ça fait 5 ans qu'on est aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Félicitations. Eh ben bravo, bravo. C'est bien, bravo. C'est pour cela, merci, c'est pour cela que je lui disais qu'il ne fallait pas qu'elle lâche l'affaire. Ouais, parce que ah non, mais je ne serais pas l'affaire, hein, ça c'est clair et net. Bah en même temps, il m'avoue qu'il avait des sentiments, mais je lui faisais peur. Parce qu'il me trouvait, je ne mangeais pas les fleurs, il me trouvait trop direct. Belle pour lui, et qu'il belle. Avait peur que je le fasse souffrir. Oh, c'est ouais, mignon. Moi c'est toujours pareil, les meufs je les trouve trop belles, mais elles veulent pas de moi quand même. Ah oui, c'est bizarre, effectivement, ouais. Bon, bah écoute... après, la beauté ne fait pas tout non plus, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais bien sûr, mais il y a un moment. Mais, beau, ouais, mais d'abord la beauté extérieure, hein. Tu sais, quand t'achètes une voiture, tu regardes d'abord la gueule de la voiture, mais et après tu regardes le moteur. C'est pour cela qu'on vous plaignez les mecs et les meufs quand on regarde d'abord la beauté extérieure. Non, quand même, il faut un minimum de beauté. Oh, excès de vitesse, s'il vous plaît, arrêtez. Ben, ouais, mais en même temps. Vous en même temps, ça fait pas tout, ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout, mais on n'a pas dit ça, Barbara. Un truc par rapport à ce que Siam vient de dire. Oui. Elle a dit qu'il faut un minimum de beauté, mais dans ce cas-là, en gros, tous les meufs sortent avec personne, quoi. Ben voilà. Ben oui, mais voilà. Mais c'est juste, bah c'est juste. C'est une triste vérité. C'est pas une triste vérité. On peut avoir un mec super, super beau, mais quand il ouvre la bouche, on a envie de se dire. Allô. Non, mais d'abord, vous voyez, dans un bras. Excusez-moi. Allô. C'est vrai en plus. Excusez-moi. Est-ce que je peux rentrer? Ah voilà, très bien. Merci. Hein. Non, je voulais dire que c'est vrai, Barbara, qu'il ne faut pas regarder que le physique, mais il y a un moment, le physique est quand même la première chose que tu regardes quand tu rencontres quelqu'un. Mais moi, si j'avais les moyens, il y a un moment donné, préfère... si le mec il donne après, pas la discussion aussi, la discussion aussi, ça y est pour quelque chose. Ah oui, parce bah, qu'on oui. a des mecs super super beaux, mais après on se dit oh mon dieu. Où je suis tombée. Là où je suis d'accord avec Barbara, c'est que c'est un tout, c'est pas que... Tout le monde n'a pas le même avis, heureusement. Ah non, bah heureusement, ouais. Bon, oui, les filles, est-ce que vous voulez tous parler en même temps une dernière après, fois avant qu'on ça parte dépend, ça dépend de ce on veut sortir tous les soirs avec un mec différent. Pour moi, la beauté physique n'a rien à voir. On regarde pas. Je suis d'accord avec toi. Bah c'est ce que je voulais mais dire. Si on veut s'envoyer un mec tous les soirs, bon, on prend tout ce qu'il y a, on cherche les plus beaux. Tout à sachant fait. Que bon, demain il m'oubliera sûrement. Tout à fait, tout à fait. Ah bah chacun son truc, hein. Tout à fait. Oh putain, ça fait du bien quand même. Ouais. Ça s'arrête. J'ai beaucoup aimé ce petit moment. Ah ouais, c'était offert par. C'était offert. Passage du désir, ouais, .fr. Bon. Passage bon. Du désir, .fr. Merci Marion, en tout cas, je te fais des gros bisous. Pareil pour Elodie. Mickaël, tu peux faire une petite dédicace vite fait? Allez, vas-y, il y a une seule alors, personne. Je voudrais faire une dédicace à ma classe d'anglais de la faculté de métiers à Ivry. Très bien, eh ben, on embrasse tout le monde, il n'y a pas de problème. Message passé. Gros bisous, Elodie. Et moi, j'ai une petite dédicace à Langui qui nous a écoutés. Très bien, bah là aussi le message est passé. J'ai trouvé le bouton, pardon. Hey, il passe crème, hein. Il n'y a pas de problème, Marion. Le message est passé également. Gros bisous, Marion. Bonne soirée. Salut à toi, je t'embrasse, Mario, à Saumur. Bye bye. Ah oui, on a des DVD aussi, hein. Tu veux un DVD, Marion? Pourquoi pas? Très bien, bah attends, faut aller. Elodie, t'en veux un aussi? Ouais, je veux bien. Parfait. Et toi, Barbara? Ouais, pourquoi pas? Très bien, bah DVD de Paris à tout prix, on vous en file un à chacune, il n'y a pas de problème. Anthony? Oui. Anthony? Oui, je suis toujours là. Très bien, t'es là aussi. Bah merci beaucoup Anthony. Ah bah de rien. Bah tu veux aussi un DVD? Non, moi j'ai gagné la montre en début de semaine. Donc ah oui, bah très bien. Non bah alors ça va, alors parfait. Très bien, bah salut à toi Anthony, à bientôt alors. Ok, salut. Ciao. Et Siem, bah toi on te rappelle dimanche du coup, hein, on va essayer d'appeler ton mec. Ok, ça marche. Bon, salut Siem. Est-ce que je pourrais passer une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une seule personne. Alors il y en a plusieurs, il y en a quatre. Non, c'est une seule personne, tu choisis la bonne Siem. Oh. Ah oui, c'est comme ça. Bon bah alors à Robin. À qui tu dis? Wassila. À Wassila? Ouais. Très bien, et eh ben comme ça, tous les autres qui auront reconnu CM, vous savez qu'elle préfère Wassila et les autres elles vous emmerdent. Voilà, au moins c'est fait comme ça, pas de problème. Si vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à lui donner son tour de poitrine. Bien sûr. Salut CM. Bisous. À bientôt. Et Benoît, merci à toi également d'être passé, tu reviens quand tu veux. Eh ben merci, mais Mickaël, j'ai pas eu mon message d'accueil. Non. Ah toi, bien sale. Je te promets. Toi, t'aimes le sale, toi, non? Attends. Ça dépend. Non, dans le message, je veux dire. Dans le message. Ah oui, mais surtout avec les bons accents belges, là, j'adore ça. Ah, sinon j'avais celui-là. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Mais on va plutôt prendre l'accent belge, puisque tu préférais le Carolo. Alors attention, il est où celui-là? Ouais, le Carolo, il est bon. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a plus mis, tiens. Ta gueule, connard, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère, ta mère qui a un gros tuto. clitoris, toi. Elle t'a mis au monde avec le clitoris sur ton front, connard. Espèce d'enculé. T'es. Voilà, c'était la totale. Et attention, je rappelle que ce son que je viens de vous diffuser n'est pas remonté. Ah, c'est-à-dire oui. que c'est arrivé en condition du direct, c'est-à-dire que la personne a balancé tout ça non-stop d'affilée, hein, que ce soit clair. Bon, et merci en tout cas, Ben. Ben, merci à toi, Mickaël. À bientôt, hein. Salut à toi. Bientôt. Salut. Ciao, bye. On va se faire aussi le jeu, hein, si vous voulez jouer avec nous à ce magnifique grand jeu. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Voilà, si vous pensez être capable d'arriver à enchaîner un maximum de fois le t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Il faut le faire un maximum de fois, bien sûr, d'affilée. Vous vous affrontez à deux, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4 x 0. Il est 1h47, on va se quitter dans une dizaine de minutes. C'est toujours au cœur de la nuit sans pub. On va faire le top tweetos aussi dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son de Drake maintenant sur Fun Radio avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h la semaine et 20h minuit tous les dimanches soirs. Le son de Drake sur Fun avec Hold On, We're Going On sur Fun Radio. On se quittera tout à l'heure avec le son de AZ, Born Again. Je vous l'ai promis, on partira avec tout à l'heure, sans problème. Donc restez bien sur Fun Radio, bien sûr. Il y a Léo qui dit, qui envoie un message aussi, Mickaël, c'est comme la drogue, quand tu y goûtes, tu peux plus t'en passer. Merci Léo. Soum Soum qui dit, ça y est, Mickaël en top tweet. Oui, j'ai vu ça, merci beaucoup Soum Soum et tous les autres d'ailleurs, évidemment. Sardine qui dit aussi, Sardine Power, mon Dieu, elles me font mal à la tête. Ah ouais, putain, c'était un poulailler à un moment. Et DJ Roms qui dit, il est gay ou gayluron? C'est drôle ça. Et Stéphane qui dit, Siem, lâche l'affaire en général quand on te dit, je te mérite pas, c'est que tu ne lui plais pas tout simplement, j'ai connu ça et je n'ai jamais obtenu satisfaction. Et alors il y a également Hugo Réo qui dit aussi le fameux exemple des hobbits, ça c'est mythique, et le prince né qui dit Siem, excès de non-mollesse. Ah oui, ça c'était moi qu'on puisse dire. Il faut qu'elle se chope les boules et qu'elle le viole, mais lui c'est sûr, il s'en fout. Oui, bah écoute, il a pas l'air d'être. Moi effectivement, je pense qu'il est gay. Ah c'est possible hein. Je pense qu'il est gay. On fera le top tweetos dans quelques minutes sur Fun Radio. Et avant de partir, il y a Romain, il y a Hélène. Bonsoir tous les deux. Salut. Coucou, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Hélène, tu appelles de Nancy, tu as 24 ans. Voilà. Et voilà. Romain, qui appelle de Nancy aussi, qui a 18 ans. Exactement. Bon, est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce magnifique jeu qui est le... T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Alors. bah oui. Bon, toujours. Je vous rappelle qu'il faut placer d'affilée un maximum de fois le... Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Attention, oreilles. Il faut le dire à la même vitesse que lui. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. D'accord. Ok. Bon, qui commence? Bah vas-y, je te laisse la priorité. Bon, allez, honneur aux femmes, vas-y Hélène. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Non. Ah voilà, c'est moi qui gagne. Attendez. C'est et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. D'accord. Là t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. T'as oublié le C de avec, d'accord? Tu viendrais de Toulouse, je pourrais comprendre, mais là tu viens de Nancy, y a pas de raison. Okay. Ok, alors réécoute bien. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Ok. Ok. Allez, un maximum de fois, c'est parti, étoffe compte, on y va. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Non. Il faut commencer par écoute. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère? Tu vois? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Ok. Allez. Je commence? Vas-y. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Là on est à combien là? 1? 2? Validé 2. Allez 2, 2. Ouais. Ah et Hélène, pas terrible hein. Ouais. Bon Romain. Oui. Allez attention Hélène, attends bouge pas. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles? Vas-y Romain. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Romain, tu peux aller plus lentement si tu veux encore, hein, tranquille. Hein, à la cool, hein, on est bien là ce soir. Hein, je sais qu'il est tard, mais quand même. Hein. Bon, allez, Romain, à la même vitesse. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Hein? Ok. Allez. C'est bon, j'y vais? Quand tu veux. Ouais, bah go. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Et t'as déjà touché la chatte à ta mère? Perdu. Combien alors? 7 validé. 7. Allez, deuxième manche, Hélène. Allez, Hélène. Ouais. Allez, on y va. Je rappelle qu'on garde le meilleur des deux scores. Bon, là, t'as fait 2, donc tu peux difficilement faire pire, quoique. Mais si tu fais plus de 7 et que Romain ne fait pas plus que 7 au deuxième round, eh bien, c'est toi qui gagneras. Hélène, attention. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Voilà. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère. Par contre, qu'est-ce que t'as avec la mère là? Et t'as déjà touché ta mère avec tes deux oreilles? Eh ben c'est sa mère. Il y a eu un petit ralentissement comme ça. Étonnant, étonnant. Bon, alors combien t'offres? Donc on est à 13. 13, oh là là. Pas mal. Bon, Romain. Oui. Eh ben va falloir faire mieux, mec. Hein. Oh putain. Ah oui. Va te faire enculer, gros bâtard. Ben oui. Bon, allez, on y retourne. Bon bonheur. Allez, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Go. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Du coup, c'est le 13ème et pas validé puisqu'il s'est arrêté au milieu. Mais on n'est pas à 13, on est à 17. Ah 17. Ah bah très bien, parfait. Eh ben bravo Romain. Bah, ah bah Hélène, qu'est-ce que tu veux, t'as pas été bonne hein. Bah c'est pas grave. Ah mais tu nous as fait rire en tout ouais, cas. Ouais tu nous as fait rire. Oh là là. Et t'as touché le jeu de ta mère avec tes oreilles. Bon bah gros bisous Hélène. Gros bisous. Et je pourrais avoir le pack fun. Ouais tu vas gérer ça avec Sandro au standard, y'a pas de problème. Merci. Salut salut. Et Romain, bah salut. Tu bouges pas non plus, on va prendre tes coordonnées pour le cadeau, d'accord? Ok, pas de soucis. Salut Romain, merci à toi d'être passé. Salut. Merci à vous d'ailleurs d'être passé. Et cette espèce de gros enculé de polo qui m'a pris ma première place au top 8. Je suis pour rien moi. Avec son polo souillou les cheveux si tu veux. Je suis top 8. Voilà. Top tweet et moi je suis du coup j'ai été foutu tour 3ème. Merci mes goumis d'avoir créé ça. Voilà. Merci aux tweetos de m'avoir propulsé à cette première place. Voilà, il y a Claire qui dit trop de top tweet pour Mickaël, un scandale. Polo souille-nous les cheveux si tu veux hein, en top tweet, bravo. Oh je vous souille. Et numéro 1 d'ailleurs, hein, Mickaël 3ème du délire, deux soirs de suite, double top tweet, c'est vrai. Et Stéphanie qui dit ça y est, Polo est en top tweet, tous ses cheveux rien que pour toi. Ah. Et les goumis qui dit allez fais péter les captures de notre boule, de notre double top tweet et merci à tous. Je vous aime, merci Megumi, c'est cool. C'est bah il y a Romain, bah, on a plus le temps là Romain là. Bonsoir Romain. Bonsoir. Comment va? Salut. Oh, bah, ça va bien. Hein. Bon, bah du coup on parlera de quoi avec toi dimanche soir? Bah du fait que les filles me disent que je suis le bon copain et donc j'arrive toujours pas à serrer. Ah bah très bien, on va te reprendre avec CM, tiens, on est dans le même délire, pas de problème. Bon, du coup t'es dispo dimanche soir Romain? Ah oui, tout à fait. Bon bah très bien, bah alors on t'appelle dimanche soir. Ok. Ça roule. Plus. Merci beaucoup dit Romain. Oh bah de rien hein. Eh bah écoute, c'est gentil. Salut Robin, à bientôt hein. Bientôt. Enfin dimanche même en l'occurrence. Bon, Top Tweetos maintenant pour terminer. Allez, alors je rappelle que c'est le deuxième qui gagne ce soir. Hein. Top Tweetos, il gagne un God of Airpart. Passagedudésir.fr. Bien sûr. Mais je crois qu'il a déjà gagné. Ah oui? Bah il écoute, alors ce sera le. Bah alors on verra. Bon allez, numéro 5. Warren CR7. Numéro 4. Megumi. Ah. Numéro 3. Fabienne. Ah. Numéro 1. Mon ami Quinquin. Numéro 2, donc le gagnant. Cédric. Nouveau fait dans le truc dans mon. Non, c'est bon, on est ah bon. Cédric. C'est Cédric. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait gagné déjà, Cédric. En tout cas, si t'as pas gagné, Cédric, eh ben tu repars avec le sextoy offert par dudésir.fr. Bien entendu, très bien. Et puis, bah si jamais t'as déjà gagné, bon, on s'arrangera, c'est pas très grave, y a aucun problème. Y a Mélie qui dit un conseil pour la meuf, Siem. Elle doit essayer de l'oublier parce que lui, il la voit juste comme un passe-temps. Donc voilà, elle doit l'oublier. Alan qui dit un petit message de bienvenue, s'il te plaît, Mickaël. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà. Migoumi qui dit dire que j'ai lancé les cadeaux à Toff pour son top tweet et il ne me follow même pas pour être sympa. Bah oui, mais c'est l'enculé, c'est ouais. bien connu. Et DJ Rome, c'est également qui dit... Je t'aime, Megumi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un coup de gueule pour le son Work Bitch Motherfucker de DJ Mimiche. Il me manque. Bon, on le remettra, t'inquiète pas. Il y a Lexou qui dit aussi, dévergondez la meuf, prends les rênes. Une solution pour Siam. Moi, une fois, ma femme m'a pris en otage à son domicile tellement elle me voulait. Obligé de casser un carreau pour m'enfuir. Véridique, c'est Gérald. Putain, c'est bon ça. Toff, il aimera bien. Ah ouais, grave. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Et Jean-Michel qui dit, salut à toute l'équipe, vous êtes géniaux. Toff, t'es qu'un enculé. Oui, je pense que nous allons terminer sur cette magnifique phrase. Ouais, ouais. Moi, je l'aime bien. Parfaite. Et on va terminer avec ce magnifique générique. Attention, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. On passe fort. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf, te suce, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a bien personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car t'encules ton nom, parfait. Bien mangé. La journée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire enculer, gros bâtard. Demain, ta mère, c'est quand même un qu'elle a baisé. Petit enculé. Et autrement, je vous la mets profonde comment? Vous êtes un sacré petit galéron. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Eh oui. Petit enculé. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Bouffe des bites, top, te suce, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux. Ah il est dedans. Deux enculés, ouais. Il a du mal à partir. Voilà. Bientôt en concert. Évidemment, bientôt en concert. On se retrouve en pleine forme dimanche soir sur Fun Radio à partir de 20h avec plein de cadeaux, iPad Air à gagner et on a également 500 €. Pardon, je perds ma voix. Donc 500 € de bah de vous allez faire ce que vous voulez avec, hein, high tech, vêtements, maquillage, n'importe quoi. Et voilà, magnifique. Donc on se retrouve dimanche dès 20h sur Fun Radio. Excellent week-end, on se retrouve tout le week-end d'ailleurs sur Facebook et Twitter, bien entendu. À dimanche. Et il y a notre ami JB. Oui, je devais mettre un jingle. C'est pas grave, mets-le, j'ai là, raté non, mon coup. Mets-le là, vas-y, on s'en fout. Non mais ça va, on va partir, quoi, on va partir. JB s'en fout, c'est scandaleux, voilà. C'est scandaleux. Et il s'en fout, il s'en le fout complètement. Le sous-chef sera, je préviendrai. Non voilà. Mais il y a que moi le chef la nuit, hein. Donc tu t'es en train d'essayer de dire que Jérôme, le directeur général, le chef du chef, son Altesse, n'est pas chef la nuit. Bah si, le maître du monde. Et que tu passes au-dessus de lui la nuit, c'est ça que t'essaies de dire? Oui. Très bien, et eh bien ce sera répété, eh ben, déformé et accentué. Et amplifié. Moi et quand amplifié. Je travaille pour Jérôme, je vais te tirer dessus. Ouais. C'est honteux. Arrête. Mais putain, ça fait mal ce dos. C'est honteux ce que t'as dit. Mais oui, c'est scandaleux. Arrête, c'est arrête de mettre honte. Des cartouches au cul toi. C'est une honte. Eh, tu kiffes ça, hein. C'est mais une ouais, honte. Je sais bien que t'aimes ça. C'est une honte ce que tu viens de faire. Tu es la honte de la France. Hein la France. Tu es la honte, la France. Et vous savez que tout à l'heure je me suis réveillé. Vous parliez de poils. Ouais. Ouais. Vous m'avez fait penser à une ex. Qui était poilue. Ah mais elle avait des tourbillons en fait. C'était oh JB. T'inquiète. Comme le pâté de Talada. On l'appelait avec mes potes tourbillons. Mais la t'inquiète question, pas, je suis rasé de près, JB. La question c'est pourquoi t'es sorti avec elle. Ah, tu veux que je te le dise? Ouais. Bah, juste pour la notoriété, parce qu'en fait c'était une Miss. Mais pas une Miss France, c'était genre une quatrième ou cinquième dauphine quoi. Quel bouffon, oh là là. Un vrai bouffon. Bon allez, on va vous laisser avec JB la nuit. JB. Hein, oui. Jusqu'à l'arrivée tout à l'heure à 6h de notre ami Bruno. 6h bien France. Sûr. La France, bien entendu. J'annonce peut-être une très bonne vanne à 6h. Ouais, bah, mais je fais pas de Paris, je fais pas de Paris. Ah, voilà, il a c'est peur. Fini, t'es... Il a peur, il a peur. J'ai plus un warrior. Il y a toujours la vidéo du pari perdu de JB sur le Facebook, hein, on l'a mise hier. Facebook.com/MIKLOfficiel. Tu sais que j'étais dans mon pieu hier, j'ai commencé à la regarder parce que je voulais voir, parce que je l'avais pas vu complètement monter. Et j'étais en train de me marrer tout seul. Mais tu sais, dans cette vidéo, bon, me fait peur, mais la pire c'est Sandro. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que pendant 7 minutes elle fait vas-y JB, vas-y, embrasse-le, vas-y, ouais, vas-y, vrai, vas-y, vas-y, allez, tu fais du cinéma, ouais, vas-y. Et tu sais, elle me dit mais Polo, tiens-lui les mains. Mais oui, c'est vrai, tiens-lui les mains. Tiens-lui les mains. La pire c'est Sandro. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on se retrouve bah, la semaine prochaine alors. La prochaine fois, c'est moi qui t'embrasse. Non. D'accord, pas de problème, Paris Tony. Oh oui. Oh, j'adore ce Paris. Vivement le prochain Paris. Fais très attention. C'est ça. Qu'elle soit trop mauvaise. Voilà, bah, il pourrait même te sucer avec les dents. Ah. Tu vas toujours pour la gloire, pour la gloire. Oh, bah, gloire. Bon allez, bon week-end tout le monde. Et rencard donc dès dimanche, on sera là dès 20h après l'Eurodance. Et puis toute la semaine entre 23h et 2h. Je vous embrasse et c'est JB avec le son d'Aïd. D'Aïd? Oui, Asie, pardon, Asie, ouais. Je suis con. Asie ouais. Avec Born Again. Oh, là, je suis fatigué, moi, je suis mort depuis tout à l'heure. Allez, Asie maintenant, Born Again, et on se retrouve donc dimanche dès 20h après l'Eurodance avec plein de cadeaux, avec plein de conneries. Vous allez voir, ça va être la folie totale. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bon week-end. Allez, au revoir. Chivalry is born again.